un SMS qui t'est arrivé. Ah bah dis de la merde le SMS. Est-ce désolé. Que tu t'es déjà mis en danger une fois? Ouais, plein de fois. J'avais fait un retour en voiture dans physiquement, un vraiment. Dans un coffre de voiture. Ouais. Et le chauffeur était un peu bourré. Voilà. Tout le monde était bourré. On s'est mis à deux dans le coffre de la voiture. C'est une voiture commerciale, donc le coffre il était un peu espacé. Tu vois, il y avait un peu de la place, mais quand même 20 minutes de voiture dans le coffre moyen, quoi. Ouais, ouais. Tout le monde était bourré. Qu'est-ce que t'appelles une voiture commerciale, juste bah, le coffre il est ouvert du côté de la voiture pour respirer. Quoi c'est un demi-coffre en fait. Non mais pour bien comprendre, oui, t'appelles une voiture commerciale. Pour moi, une voiture commerciale, c'est juste deux places devant, le passager et le conducteur, on va dire. Ouais. Et derrière, il y a rien. Voilà, voilà. Bah, c'est ça. Donc le coffre, t'es quand même un peu dans le coffre, mais tu peux respirer, c'est pas un vrai coffre. Non, mais en fait, voilà, le coffre du tout. Une voiture commerciale, c'est en fait, c'est comme un break, mais sans que ça soit carré. C'est juste que t'as pas de siège derrière, quoi. Ou alors j'ai pas tout compris, mais c'est juste qu'ils enlèvent la voiture. En plus, t'as plus de place au final. Mais dans le coffre, non. T'as plus de place, ouais. Ah mais derrière, t'es un peu comme une. J'ai failli me faire. Bah non, en fait, c'est nul ton histoire. Attends, si, mais c'est comme si t'étais dans une camionnette. C'est pas grave. Ah mais c'est pas pareil. Alors attends. Alors j'ai mis son. Alors tu disais plein de fois, mais t'as qu'une histoire de merde. Après, on est allé sur l'autoroute. Deux secondes. T'as quoi d'autre? On allait sur l'autoroute faire un peu de vélo avec des potes. Tu m'as dit, il y a plein d'histoires. Faire du vélo avec des potes. Ouais, sur l'autoroute, ouais. Sur la bande d'arrêt d'urgence. Non, pas sur l'autoroute, sur la nationale. Non, l'autoroute. L'autoroute, c'est payant. Bah, après. T'as pas passé le péage. Bah, non, mais on était sur un chien. Merci, j'ai fait Rambard de sécurité qu'on est à. Ça s'appelle une nationale, pas une autoroute. Oui, enfin une grande route, il y avait des camions et tout. Hein. Ah, une grande route. Je sais, il est comme les enfants, il parle en grande. Enfin, c'est dangereux quand même. La grande route qui va vite, Guillaume. Mais on n'est pas resté longtemps. Et bah non, bah il y a un pote qui a dit qu'il y avait les vidéos en fait, c'est pour ça. Qui quoi? Il y avait les vidéos. Attends, qu'on pouvait se faire cramer. Il manquait des mots là. Il y a un pote à nous qui a dit qu'on pouvait avoir les vidéos qu'on pouvait se faire cramer par les keufs. Ouais, on les ressortit après, c'est pour ça. Tu sais qu'il ça l'énerve de se tromper, du coup il devient un peu violent. Par les keufs commerciales. Par les keufs, Guillaume. Ouais, tu voulais dire qu'il y avait peut-être des caméras de surveillance. C'est pour ça. Voilà, on a eu peur. J'aime du standard. Ouais, moi ça m'est arrivé au tout début en fait quand je faisais du surf. On dirait un polo de la police, j'aime le standard. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. En fait, il a un polo bleu Lacoste. Ouais. Mais en fait, si j'ai pas le. La gendarmerie. Attends, ouais, on dirait le polo de la gendarmerie. Ouais, pardon, c'est ça. En fait, si t'as pas le logo Lacoste, qu'est-ce qu'il y a chez le standard? C'est toi qui me l'avais fait cadeau. C'est vrai? Ah ouais, mais il est joli, hein. Ah mais oui. J'allais dire, tu es très chic. Ah merci, Guillaume. Mais attends, avec mon petit pote d'alors de Bordeaux là. Attends, en fait, quand tu vois pas le, voilà, quand tu vois pas le logo, on pourrait croire un peu gendarme. En plus, j'ai deux taches dessus, Guillaume. Je suis dégoûté. Ah putain, ah oui, ouais. J'ai fait une flot des cadeaux, quoi. On dirait flot des cadeaux. Ah, t'as des t-shirts de Javel dessus. Comment tu t'es fait des taches de Javel? Je sais pas, Guillaume. J'ai pas de Javel chez moi. Mais c'est pas de la peinture. Salut, je suis désolé de gâcher l'ambiance, mais ce soir, je mange un barbecue. C'était trop bon. Salut, man. Ah, profite. Et bah bon barbecue, les gars. C'est gentil. Salut Guillaume, abusé. Je suis désolé de gâcher l'ambiance ce soir. J'ai fait un barbecue, mais il n'y a pas de problème. Et bah, il n'y a pas de souci. Gros bisous à toi. Je suis désolé de gâcher l'ambiance. Tu me l'as envoyé 4 fois. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. On se raconte les fois où on s'est mis en danger. Guillaume, et votre message 612. Amina du standard. Oui. Est-ce que tu t'es déjà mis en danger? Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Je suis rentré dans une cave. Comment ça, quoi faire? Il y avait 20 garçons, j'étais seule femme. Mais pourquoi tu dis ça? Allez, non, mais c'est un SMS qui est arrivé. Je fais que lire. Mais je fais que lire les messages, moi, Amina du standard. Allez, on se fait Calvin Harris avec Rihanna là. That is what you're came for et tu nous raconteras après là. Oui, avec plaisir. Et je vous offre des PS4 aussi sur la page Facebook. On va faire un tirage au sort dimanche. Vous pouvez venir liker la page, on est 1 900 000. Grave. Vous pouvez venir en 2 minutes, hein, c'est Guillaume Play, P-L-E-Y. On est là jusqu'à 22h50, puisqu'après ça rediffuse en direct hein, le concert de David Guetta en dessous de la Tour Eiffel sur Énergie. Guillaume, et votre message aussi 612, est-ce que vous êtes déjà mis en danger? Il y en a un qui s'est accroché à un pylône électrique, on en parle juste après sur Énergie. Là, c'est très bête aussi. Hein. Bienvenue tout le monde. Merci d'être là, les gars. 22h20 en direct.

love go. In the morning we gon' do it again. Wake up, I'ma do you like we just broke up and made up. Get on top of me and woke up, I sweat my love. You need it, I need it. We can jump in the deep end. I wanna get lost in your love. I just wanna be close to you. Baby girl, I just wanna and do all. You go 100 and fit it. Love how you move, you know that I'm with it. Perfect size, I know that you fit it. Just let me hit it, you know me not quit it. My girl, come me down, want see something me want in a life and then waste time. Are you with me free every day, baby, full time when you're there for me, mind. So me want you forgive it to me, baby girl, so we can play. Stick to the thing now, I am your king, my girl, just listen what me say. I just wanna be close to you. And do all the things you want me to. I just wanna be close to you. Girl, I just wanna and show you the way I feel. You made my love go. D'être de plus en plus nombreux chaque soir. 22h01 sur Énergie, c'est Guillaume Radio. Allez, de retour à l'antenne avant de s'écouter Soprano, le diable ne s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le copain Soprano. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait des faux. Lui ont pris sa femme et ses faux. Il n'a plus d'emprise sur le dos. On lui a pris son dos. J'ai perdu un neveu qui joue au Yamakasi avec mes enfants, oh il avait 11 ans, salut Mickaël. Ah ouais. On parlait des fois, on s'était mis un petit peu. On s'était mis en mode. En danger. En danger, etc. Voilà, soit être sur les chemins de fer, soit monter sur un balcon, tout ça quoi. Sur une rue. Salut à toi, merci beaucoup. Guetta, il mixe les mains en l'air, c'est mieux toi frère, salut Ibrahim. vous gérez, vous déchirez grave, salut Jamoul du 39. Salut. Et on va retrouver en direct, hein, parce qu'on est partenaire du concert, on va le rediffuser. À partir de 22h, à 23h02 exactement. Ouais, c'est ça. Là il y a Christophe Maé avec Alexandra Sublet. Et à partir de 23h02, je vous laisserai avec David Guetta qui va mixer exceptionnellement ce soir. Et on va rediffuser en direct. Et il y a un animateur d'énergie qui s'appelle Stoyan qui est en direct normalement de là-bas. Tu m'entends Stoy ou pas là? Absolument les gars, je vous entends bien. Ça marche. Salut mec. Ah, et ben, ça marche très bien. Salut Stoy. Ça va ou quoi? T'es où là par rapport au concert? Alors là je suis juste derrière, donc j'ai pas choisi l'emplacement évidemment par hasard, c'est là où toutes les danseuses se changent. Ah il se met bien Stoy. T'es dans les loges quoi. Il va en pécho. Mais limite dans la loge en fait. Ah c'est marrant parce que j'entends applaudir. Scintiller la tour Eiffel. Est-ce que vous voulez faire scintiller la tour Eiffel? Qu'on est en direct sur Énergie. Attends, on va faire scintiller la tour Eiffel. Ah c'est marrant, c'est parce que on le voit en direct en plus la tour Eiffel d'ici là. Et alors comment ça se passe? Alors t'as animé toi tout à l'heure, c'est ça? T'as un peu chauffé? Ouais, on est monté sur scène pour ambiancer un petit peu les gens. Très honnêtement c'est de la folie, hein. Il y a 80 000 personnes. Ah ouais. Ça c'est énorme. Le stade de France quoi. Ils sont au taquet à la veille du démarrage de l'Euro. Ah et putain, ils ont fait ça exceptionnellement. Ouais, ça y est. Putain, c'est rigolo. Et honnêtement, quand on est au pied de la Tour Eiffel, les gars, ça a de la gueule hein, quand même. Hein. Ah non, mais c'est sûr. Ah, non, mais c'est sûr. J'ai vu la scène. Moi, je suis passé hier en moto. Quand on a fini l'émission et tout, j'avais monté un peu la vidéo du Lion et après, je suis passé vers 3h du matin. Ouais. Ah bah, c'est Sopra. Faisons la paix. Ah oui. Ouais, j'entendais. J'entends que ça tape derrière toi, Stoy. C'est vrai. Putain, c'est énorme. Et alors, t'es monté sur scène. Les spectateurs sont sourds demain, mais. Ah ouais, putain, on entend. Est-ce qu'on entend ou pas si j'ouvre la fenêtre? Attends. C'est trop loin. Attends, je vais essayer. Y'a pas de vent en plus. Attends. On est à quoi? On est à 3-4 km. On peut se faire coucou à Stoy si tu veux. Non, on n'entend pas. Putain, ça aurait été marrant qu'on entende. ça aurait été marrant qu'on l'entende de là, là. Et là, attends, il était monté sur scène, du coup, avec 80 000 personnes. Ouais, 80 000 personnes. Autant c'est... dire que tu fais gaffe, tu vois, à pas te prendre les pieds dans un câble ou un truc. Ah ouais, ouais. Ah, c'est marrant. Putain, je l'ai fait cet été, il y avait un concert, c'était pourquoi c'était le secours populaire. C'était pour le secours ouais. populaire, évidemment. Et il ouais. y avait 70 000, c'était déjà impressionnant. Alors 80 000, c'est 10 000 de plus, quoi. Avec la Tour Eiffel derrière. De toute façon, là, t'es plus là, ça après. C'est la folie d'être là. Et surtout à la veille de l'euro. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est dans 30 ans l'euro en France, quoi. Ah ouais, le prochain. 30 ans, ah ouais. Non, et ah oui, c'est vraiment en fait dans tous les pays. Voilà. Et alors, et t'as vu les artistes un peu, t'as parlé avec eux, t'as fait des trucs. Alors, j'ai croisé David Guetta il y a quelques secondes, qui évidemment n'a rien voulu me dire sur le show tout à l'heure. Ah oui, ça se comprend. J'ai vu ses danseuses aussi, donc ça c'est une petite parenthèse. Il est très danseuse. Parce que là, j'explique, hein, t'es pas par téléphone, t'es une, avec une sorte de petit boîtier voilà, qui s'appelle un Comrex, qui a un truc bon de radio, voilà, et qui permet d'avoir un son un peu mieux que le téléphone, etc. C'est pour ça que vous avez un son qui est pas de téléphone, mais il est pas dans le studio non plus. Hein. Voilà, pour expliquer. Putain, c'est marrant, quoi. Mais écoute, kiffe bien. Il y a pas un artiste à côté de toi qu'on aurait pu pécho dans le couloir. Ben là, heureusement, non. Je te dis, il y a danseuse qui est passée. Il y en a, ah si, des danseuses, il y en a, les gars. Ah. Je vais peut-être vous prendre une petite photo d'ailleurs, vous la mettrez sur le Facebook. Alors attends. Ça me parle. Attends, on va se la faire en live, la photo. Putain, là il est fait devant quelqu'un. Il est bon là, il est en folie. Ah là, il a de kiffer là. On va vous faire la petite photo de ce que je suis en train de voir, et je vous l'envoie et vous la mettrez. Et vous allez voir que j'ai pas choisi le point par hasard. Ah, c'est vrai? Oh là là, attends, vas-y, bah, file-moi la photo, puis je la mets là sur mon Facebook, là, Guillaume Play, PLEY. Si elle est venir en deux minutes, avec plaisir, mec. Eh ben écoute, profite bien, avec, passe le bonjour à Soprano de notre part. Vas-y, monte sur scène maintenant. David Guetta, je le connais pas, mais fais-lui la bise quand même. Ouais. Et je l'embrasse également de votre part, voilà. Et puis le live donc de Guetta tout à l'heure à partir de 23h. À partir de 23h, tu vas remonter sur scène après ou pas là du coup? Là, j'y retourne dans un petit quart d'heure. C'est vrai? Ah, en fait, c'est quoi? C'est pendant les pubs de TF1, tout ça? Voilà, exactement. Quand TF1 est en pub, je monte sur scène. On pourrait peut-être se tenter, alors je sais pas si c'est possible, mais peut-être un C'est qui le papa géant. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah oui. Putain. Dans un quart d'heure, mais oui. On peut pas t'appeler en direct pendant que t'es sur scène, du coup, avec le système là? Ah là, malheureusement, non. Ah, et merde. Et on pourrait pas t'appeler sur ton portable pendant que t'es sur scène? Ou ça marche pas? Je suis pas sûr que ça passe. Hein. Alors, tu sais quoi? Et regarde, j'ai envie de te dire magie. Ah. J'essaie de t'appeler en direct, d'accord? Alors attends. Dis-moi si ça sonne ou pas là. On sait pas si tu connais la radio. Pas de haut-parleur, pas de téléphone. Est-ce que ça marche dans le téléphone? Absolument. Donc le temps est beaucoup moins bien. Il est... Attends, non, ouais, on va repasser sur le Comrex et tout. Mais si jamais. Si jamais. Alors vas-y, tu sais quoi? Et ça serait marrant qu'on t'appelle pendant la pub quand t'es sur scène. Ah ça, ouais. On peut se le tenter. Je vous promets rien, les gars, mais on peut essayer. Bon, et eh ben écoute, on essaie de le trapper d'ici 10 minutes, d'accord? Pas de soucis. Allez, moi je t'envoie la photo des danseuses alors. Vas-y, vas-y. Allez voir la photo des danseuses. C'est des danseuses de qui d'ailleurs? Ah, je sais pas du tout. Je les vois que de dos là. Mais... Je m'en fous, c'est des petites filles, Guillaume. Je m'en fous, moi, de qui elles dansent. Ça ressemble à des filles du Lido. Ah, c'est vrai, ouais. Ah, bah alors. Mais après, je crois que toutes les danseuses de toute la soirée sont les filles du Lido là sur la télé. Bah, avec des plumes bleues et tout là. Ouais, ouais, j'ai vu. Ouais. Ah, c'est l'euro. Non, mais j'ai vu l'image en direct sur TF1 là. Bon, bah écoute, amuse-toi bien, puis à tout à l'heure, gros. Allez, ça va. À tout à l'heure, c'est toi qui est en direct de. Avec qui Christophe Maé a-t-il interprété On s'attache? À tout seul? Bah, je sais pas, c'est la question non, sur y avait TF1. Quelqu'un tout à l'heure, mais j'ai pas vu. Envoyez votre bonsoir SMS. Ah, bah, j'en sais rien, non, j'ai pas vu ce soir. Bon, on va rappeler dans quelques minutes Stoy qui va être sur scène avec 80 000 personnes, ça peut être rigolo de faire ça. Première S2 du lycée Blaise Pascal de la RH. Salut man. Salut. Et bah, et tu sais quoi, pendant qu'il y a Soprano qui est en direct sur TF1, on va mettre Soprano en direct sur Énergie de nouveau, là, le diable ne s'habille plus en Prada. Et juste après, on va se raconter les fois où on s'est déjà mis en danger dans une situation. Est-ce qu'on est monté sur un toit, on a marché bêtement sur un pont, sur la barre du pont, sur la rambarde du pont pour délire avec des potes? On se raconte tout ça sur Énergie. Le grand conseiller des hommes m'envoyait. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. Les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes voeux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait des fausses. Lui ont pris sa femme et ses fausses. Il n'a plus d'emprise sur le globe. Depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui. Le diable ne s'habille plus en Prada. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque soir. 22h01 sur Énergie, c'est Guillaume Radio 2.0. Avec Jason et Sean Paul. On va se l'écouter en entier après. Amina du Standard, oui. T'oublieras pas de rappeler Stoy dans quelques minutes. Ouais, ça marche. Pour savoir s'il est toujours OP. Ouais. Voilà, ça c'est un briefing que j'aurais dû faire pendant la musique, mais j'ai oublié. Voilà. J'aurais dû aller dire, donc je vais le dire à l'antenne. Voilà, bonsoir Guillaume, je m'assois sur le rebord de ma fenêtre parfois et je fume. Ah ouais, mais c'est chaud. C'est un coup de vent. Ouais, ouais, une tornade. Tu dis, c'est vrai, ça dépend à quel étage t'habites. Hein. C'est sûr, c'était au premier, c'est pas grave. Ouais, c'était, pas c'était au 13e, c'est chaud quoi. moi j'ai failli me noyer pour aller chercher un ballon une fois, Henri, dédicace à Pierre. Salut man. Salut. On va se raconter un peu les fois, on s'est mis en danger. Guillaume et votre message là aussi 112. Moi j'étais à la montagne presque dans un précipice et je me suis retourné, j'ai dit à ma mère, tu me dis quand je tombe. De quoi? Oula. J'ai sauté dans le port bourré avec non. Des potes. Sauf que c'était à marée basse, je suis tombé dans la vase, la galère après. Salut Nicolas là. Tu sais que c'est dangereux dans la vase, hein. Tu peux t'ensevelir. Ouais. Moi je me suis pendu à un pont avec des potes à au moins 10 mètres de haut par les bras. Ah, non mais ça faut jamais faire ça les mecs. Se pendre. Moi je m'assois, c'est vraiment aller chercher le problème. Ouais, c'est vraiment aller chercher la merde. Quoi. Qu'est-ce qui lui arrive avec son insulé? Qu'est-ce qu'il s'est habillé comme ça d'un coup là? Elle a chaud. Non mais d'un coup, attends, calme-toi, j'ai mis le standard. Calme-toi. On dirait qu'elle va se baigner. Non, non, attends, j'ai une culotte. Non, c'est vrai qu'il s'est arrivé quoi. Alors on va dormir. Est-ce que d'un coup elle est revenue habillée en rose là? Peux-tu redonner l'adresse pour l'autocollant? Bien sûr, tous ceux qui veulent un autocollant de l'émission, un autocollant pour les voitures hein, qui peut se coller donc à l'arrière d'une voiture malgré le vent, la pluie, les nettoyages avec le Karcher ou le soleil. Vous pouvez m'envoyer une lettre, Guillaume Play, Énergie, 22 rue Boileau, 75-06 Paris. Voilà, Guillaume Play, Énergie, 22 rue Boileau, 75-06 Paris. À l'intérieur de l'enveloppe, vous mettez une adresse postale pour que je puisse vous renvoyer une lettre et vous mettez une pièce de 50 centimes. Comme ça, Jordan Laponte va acheter le timbre. Et on vous offre l'autocollant, on vous renvoie le truc le lendemain matin direct. Moi, j'ai super mal au ventre et je ne sais plus quoi faire. Alors, on va t'appeler avec plaisir, man. Moi, j'ai marché sur Amina du Standard. Quoi ? C'était très dangereux. Moi, je me suis fait courser par une vache en me mettant entre elle et son veau. Oh, oh, oh. Ah, salut ouais. Man, au transport JLF, salut gros là. Salut. Je voudrais savoir, alors salut Armando du 53, je t'embrasse fort. Bisous. Salut au producteur de lait aussi, salut gars. En voiture, j'ai failli me prendre une autre voiture en pleine face en écrivant un SMS à 90 à l'heure. Moi je me suis endormi bourré sur une plage, je me suis fait réveiller par les tracteurs qui tamisaient le sable le matin. Là. Ouais, moi j'ai failli me faire écraser par un camion, j'ai eu la peur de ma vie. Moi j'ai chié dans la bouche d'une pote quand j'étais bourré, elle a failli me mourir. Ouais, super bien fait le canular, bien joué à vous pour le lion. Eh ben, merci de nous remercier. ouais. chaque soir. Je t'embrasse, gros. Moi, je me suis engagé sur une nationale en voiture. J'avais mon téléphone à la main et j'avais pas vu le camion qui arrivait. Il m'a doublé au dernier moment. Là. Attends, il y avait une réaction qui vient d'arriver. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous appeler. Baptiste, tu m'entends, Baptiste ? Salut tout le monde. Après, il y a Bruno et Salut. Fanny. Ça va ou quoi, Baptiste ? Salut. Baptiste, 30 ans, mais je sais pas ta ville, hein, c'est ça hein. Voilà, c'est ça. Eh bah, déjà, c'est... enchanté, gros. Merci de passer. Hein. Ouais, ben merci à vous. Hein. Qu'est-ce qui t'arrive alors ? Tu voulais raconter une histoire ? Ouais, alors rapidement, quand on était plus jeune, il y a quelques temps avec des amis, on était partis pour faire ce qu'on appelle faire une peinture, ouais. un graffiti, tout simplement, voilà, on va s'amuser à faire des petites peintures, décorer la ville. Sauf que là, on était en voie ferrée, et au moment où je recule pour vérifier ce que donne ma pièce de loin, de plus loin, un train commence à arriver. Quand tu dis que tu fais des graffitis, parce que ça veut pas dire grand chose. C'est ta gueule. Tu fais des, non mais tu fais des vrais dessins ou des tags c'est en mode genre ouais. LSB, wesh. Ouais. Alors, non, ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle du tag, ouais. Les petites inscriptions que tu vas avoir un peu sur les murs comme ça. Je trouve ça d'une laideur, les potes. Sur les trains, on a parfois. Je trouve que ça gâche la ville. Ça dépend des graphes. Non, non, non. Parfois, il y a des dessins, mais bon. Il y en a partout. Ça rend quand même pas beau, quoi. Mais il y en a partout. C'est coloré. Non, mais attends, oui, mais quand il y a des beaux dessins et tout, c'est joli. Ouais, c'est cool. Et il y a des endroits où de toute façon c'est du béton, c'est ouais. moche. Mais après les petits graves partout, putain, okay, ça fait crasseux. OK, LM, oui, c'est sûr, ça arrive. Attends, putain, franchement, non, c'est énervant. Ah mais oui, mais. Ah, parce que moi, l'autre jour, j'étais chez mes parents, il y a un mec qui est venu graffer, SVUS, tu sais, enfin, il ouais. s'est fait ses trois lettres de merde, là. Il a fait ça dans toute la rue. Ça devait être un débile, tu sais, qui avait acheté une bombe, là. Il a testé. Putain, moi, je serais sorti à ce moment-là, je lui décale, ah ouais, je lui décale, franchement, je lui décale le nez, je pense. Ouais. Je lui apprends, quoi. Je lui apprends à faire ça chez lui, mais pas chez les autres. Parce que lui, il ne fait pas ça chez, sur le mode de ses parents. Ah ben non, dans sa chambre, non. Toi, va taguer bon. Chez ta mère, et puis après, chez moi, non, mais c'est vrai. Fais-le dans l'ordre. Ouais. Tu vois, c'est comme les mecs qui taquent sur les caisses et tout, franchement. Ah ouais, non, moi qui ai une voiture, c'est chiant. Dans Paris, il y a des mecs qui font des grands traits comme ça sur toute la rue. Ouais, qui les rayent. Ah, ouais. Ah, c'est rigolo à faire. Bâtard. Là, c'est pas drôle, franchement. Attends. Et la plus drôle. Alors, non, mais je sais pas, il y a peut-être des mecs qui ont une moitié de cerveau et qui trouvent ça marrant. Ouais. Toi. Ça fait ce qu'ils font. Il y a des mecs qui trouvent ça marrant de tuer des gens, des tueurs en série. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont bêtes. C'est sûr. Mais non, franchement, les tags et tout, les mecs, laissez tomber, c'est ringard. En plus, c'est un peu, ça fait un peu truc des années 90. C'est bon, on est passé à autre chose là. Non, mais c'est vrai, franchement. Je sais pas, je trouve ça ringard maintenant le tag. Ah, là. C'est le coup de gueule. Bah oui. Non, ouais, c'est vrai, n'en trouve pas. J'ai ah, moi j'aime pas. C'est stylé le tag. Franchement, des fois il y en a c'est des stylés. C'est pas frais quoi, c'est pas non, frais. C'est pas frais. Dans les métros, il y en a des fois. Ouais, bah. Dans, à l'intérieur du métro. Ouais, ouais alors, je te demande comment ils font. Ils s'en battent les couilles. Ah, ouais, parfois au-dessus des murs. On va accéder à des endroits sur l'autoroute. Ouais. Les mecs ils sont là et tout. Je sais pas comment ils font. Ils prennent des risques pour le faire. Mais c'est surtout, c'est pas beau vos trucs quoi. Non, mais en vrai. Les mecs ils marquent FSE. Après, c'est leur coach, tu vois ce que je veux dire. C'est bon, gros. Ça sert à rien quoi. Que t'ailles marquer un truc, tu vois. Genre un slogan sur ton club de foot, je sais pas, tu as un truc en particulier. Allez les bleus quoi. Mais c'est pas parce que tu as marqué Nick Labac sur le sur le pont, Labac ils en ont rien à branler, ça fait juste chier les gens qui passent quoi. Ouais. Et Labac ouais. Et ils l'enlèvent. Non mais Labac ils s'en battent les... enfin tu vois ce que je veux dire, t'en bats les couilles. Après les dessins c'est autre chose hein. Je parle vraiment des petites lettres là. Oui, les graffitis, les c'est presse, artistique. Ouais, c'est attends, bon. C'est bon quoi. Putain, faites ça chez vous. Fais ça dans ta chambre. Voilà. Non, mais en l'occurrence, alors attends parce que t'as énervé Guillaume, ça y est, voilà. Mais non, mais parce que ça m'est arrivé une fois. Une fois sur mes parents, ça a vraiment peiné mais les oui, parents. C'est chiant. Ils venaient de refaire le mur et tout. Et tout le monde n'a pas l'argent pour refaire peindre à chaque fois, tu vois. Et il y en a qui ont des motos, des voitures. Tu sais, t'as pas trop d'oseille, tu te fais chier à la payer. T'as un mec qui passe faire un trait dessus avec une clé ou avec une bombe de peinture. Et avec sa batte. Vas-y, t'as envie de le buter, quoi. J'ai une sorte. Il y avait une photo qui avait tourné comme ça de mur qui venait d'être peint. Et le mec, il avait tagué peinture fraîche, quoi. Ah ouais, putain de bâtard. C'est pas bien. J'ai un stagiaire, c'est comme une tâche, sauf que c'est lui. Il est un des 10 000. Salut, n'importe quoi. C'est toi la tâche. Vous passez de la pub quand vous faites 50 minutes. Salut les gars, on s'en branle le yédin, mais de rester salut les gars là. Ah, je sais, on va s'ennuyer jusqu'à dimanche. Ouais, je sais, les mecs, dimanche 20h, hein, c'est le rendez-vous, les mecs. Et par contre, évitez de dire FDP Énergie de la pub pour 50 minutes et tout. Ouais. Putain, on y va rien. Et mesurez vos mots, gros. Ouais. Pèse ta langue, hein, pèse ta langue. Ouais. FDP, c'est pas cool. Hein. Dose, bah dose. Ouais, putain, et puis c'est quand même c'est la maison, hein, on crache pas dans la soupe. On crache pas dans des mers aussi, c'est bien. On crache pas dans le bol. Hein. Vous pouvez dire ça, Minel du Standard, si elle veut. De quoi ? Je sais pas, je t'entends parler là. Bah non, mais je te dis, on parle pas des mamans, ça se fait pas. Ah ouais, non, FDP, clair. Ça veut dire quoi ça ? Et surtout la maman d'énergie, je veux dire. Ah ouais, c'est la panthère. On connaît déjà pas son prénom. Ouais. C'est qui la maman d'énergie ? Et en tout cas, vous pouvez venir liker la page hein, sur Facebook, là, Guillaume Play, P-L-E-Y. On est 1 900 600. Ouais. Et je vous fais gagner ce soir des PS4 dessus. Des PS4, des iPhones et des MacBook quoi, c'est ouf. Hein. On fait ça sur la page Facebook, là, Guillaume Play, P-L-E-Y. On va faire un tirage au sort dimanche, on va vous l'offrir à l'antenne. Et je vous ai mis la vidéo du lion, on vous a piégé aussi lundi, c'était énorme. Ah, venez la voir. Voilà, je vous l'ai mis, je l'ai mis tout à l'heure. Alors Baptiste, toi, donc le train il est passé, quand tu faisais des graphes. Ah, voilà, pour faire, tu m'as parlé de tag là juste avant, tout ça c'est du tag, c'est le truc vite fait. Ouais. Moi je venais de faire une pièce, ce qu'on appelle une pièce. Voilà, donc tu fais ton lettrage, tu le construis, voilà, un peu de couleur et compagnie, j'essaie de faire un truc joli. Ça c'est pour la petite histoire. Je me suis reculé pour voir ce que ça donne. Ouais. Il y avait les rails juste derrière et qu'est-ce qui arrive? Forcément un train. Un train, bon, pas trop de panique, il arrive doucement parce que c'est en sortie de gare. Je traverse les voies quand même, sauf que j'avais oublié un truc, un muret qui m'arrivait au niveau du bassin. De l'autre côté, il faisait noir, on voyait pas grand-chose. Je me le suis pris et voilà, ça m'a fait à moitié trébucher, et du coup voilà, plus qu'une chose à faire, tu mets les mains sur la tête et tu attends que ça passe. Le train, il est passé au-dessus de toi ? Non, il est passé à 1m50, il est pas passé au-dessus de moi, il est passé. Non, mais il allait pas très très vite, j'étais pas excessivement en danger, mais bon, voilà. Il n'allait pas très vite en sortie de gare, mais voilà. Et j'ai pu me retourner quand même après pour regarder ce que ça donnait. Ah ouais, d'accord. Okay. Putain, c'est ouf. T'as un train. Et ben voilà, Dieu t'a puni tout seul. Ah, voilà. T'as voulu faire des graves, Dieu t'a merci. Puni. Non, mais ça va, t'as rien eu alors, ça va, heureusement. Non, j'ai rien eu. Et d'ailleurs, je fais une dédicace à mon pote qui m'écoute et qui doit se foutre de ma gueule parce qu'ils étaient morts de rire. On était trois. Et les deux, ils étaient morts d'ailleurs de l'autre côté. Et moi, je faisais pas trop le malin sur le coup. Et t'en refais toujours ou t'as fini ça? Non, j'ai grandi un petit peu depuis. Et puis il y a eu d'autres histoires qui ont fait que pour le moment, c'est niette. Ouais, ça veut dire quoi pour le moment, c'est niette? T'as fait des conneries? T'as fait de la prison? Non, attends, quand même, pour du graffiti, de la prison. Non, mais t'aurais pu faire de la prison pour autre chose et que du coup, bah, tu te dis, putain, c'est trop chaud, quoi. T'as pris une amende? Non, mais il y a des événements un peu, voilà, que ce soit que le graffiti ou que ce soit autre chose, quand t'es pas trop sympa avec la loi, eh bien, elle finit toujours par te rattraper un petit peu. Et puis bon, il y a eu des histoires dans le milieu du graffiti, j'ai préféré prendre un peu de recul, quoi. Des histoires dans le milieu du graffiti. Ah, il y a un milieu. Ah oui, le graffiti, c'est un milieu. Hein. Ah, bah, non, c'est clair. Je regarde le gros jeu sur téléphone en même temps que je vous écoute. Salut les gars. Là. Salut. Je rentre du taf et je vous écoute. Ça me fait trop rire. Bonsoir, Joe du 42. Vraiment énorme la vidéo du Lion. Salut gros. Merci. Lucas de Lunel. Salut Lucas de Lunel. Salut, je t'embrasse. Allez voir ma page Facebook, Lucas, LUKAS. Je vais aller voir ça avec plaisir. Moi, je m'assois souvent sur le rebord de ma fenêtre la nuit. Je suis dans un immeuble tout en haut. C'est haut, mais j'aime bien. Salut les mecs. J'ai stagiaire. Parce qu'il y a une tâche, j'ai lu avant. Moi j'ai marché sur un mine du standard. Mettez le t-shirt de Yann du 62. Salut. Attends, on a eu la photo de Stoy là qui veut prendre les danseuses en photo là. Il n'a pas envoyé à moi, Guillaume. Ah oui, bah moi non plus. Amina du standard, il te l'a envoyé la photo? Non, non plus. Mais il nous a promis une photo de danseuse, on l'a pas eu. Ouais, peut-être qu'il est parti avec la danseuse. Ça va, Guigui de la Régie dans le couloir? Ouais, ça va. Tiens, approche-toi là. J'arrive. Guigui de la Régie, c'est le mec qui me trouve tous les soirs. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Ne me laissez pas. Voilà, c'est lui qui me trouve tout ça. T'as trouvé un truc bien aujourd'hui sur le net là? Ouais, carrément. Alors, t'as trouvé quoi? Alors, sur YouTube, j'ai trouvé un youtubeur anglais qui m'a fait beaucoup rire. J'ai trouvé sa vidéo qui est sortie il y a 2-3 jours maintenant. En gros, il a une idée assez originale. Il est descendu dans la rue, il a arrêté des gens. Et en fait, le truc, c'est qu'il leur a fait dire une sorte de phrase d'élocution, si tu veux. En gros, la phrase, c'est en anglais? Ouais, en anglais. Ouais. Mais c'est justement, ça donne une phrase un peu rigolote. D'accord. Le premier mot, c'est NES, donc NES, comme la première console de Nintendo, la NES. Ouais. Après, il y a les yeux, The Eye. Et pour finir. Tu as un accent anglais. Alors, déjà que moi, je suis pas bon, alors là, The Eye. Bah, je sais pas comment ça se dit, mais. The Eye. Et pour finir, après, c'est. Attends. Après c'est map MAP, la carte. Donc MIP. Okay. Et au final la phrase que ça donne, ça fait NES. NES MAP. Ok, NES MAP. Okay. Voilà, et le truc c'est qu'enchaîné ça donne I'm a penis. D'accord. NES IMAP. So just say it, okay? NES IMAP. NES IMAP. NES IMAP. Okay. NES IMAP. No, faster. NES IMAP. NES IMAP. NES IMAP. NES IMAP. NES IMAP. NES IMAP. NES IMAP. NES IMAP. I'm a penis. Ouais, c'est mignon. Qu'est-ce que t'as d'autre rapidement là? Bah, après, c'est sur la télé américaine. En fait, il y a une présentatrice de météo sur la ABC. Elle fait sa météo normale. La ABC. Il en fait trop, c'est pour faire genre, il y a rien. C'est un anglais, ça. Et prends les trucs en français, bordel. Arrête de faire chier, quoi. Vas-y, coup, raconte. Fait, le truc, c'est que la présentatrice météo a fait sa météo normale. Ouais. Et à un moment donné, elle veut changer de carte pour passer à la suite. Ouais. Le problème, c'est que la télécommande qui permet de zapper la carte, ouais, elle marche pas. Du coup, la réaction qu'elle a, elle est un peu bizarre. Elle quitte le plateau. Something we're watching carefully for you, but in the meantime, enjoy the next 2 days. Là, ça marche pas. Et du coup. Et ça. Non, mais c'est une blague. Mais là, elle a eu marre. Elle a vu que ça marchait pas, du coup, elle en avait marre et c'est pareil. Non, mais elle peut dire au revoir, quoi. Ouais, ah, non, mais sans pression. Connasse, quoi. Non, mais, c'est quoi ces gens, quoi. Attends, t'as un troisième son, on le fait juste après. 30 secondes de pub. Vous gagnez les plus gros concerts des plus grandes superstars en écoutant Énergie. Ready? Muse. Justin Bieber, Selena Gomez, Beyoncé, Luan, Pharrell Williams, Maître Gims à Carcassonne, Rihanna en Norvège. Énergie. Dès que vous entendez le double hit Énergie avec Maître Gims et Rihanna à la suite, appelez Énergie 3937 et choisissez le concert de votre superstar Énergie préférée. Les plus grands concerts de l'été en France sont des concerts. Énergie. Hit music only. Unreal, votre série inédite, mardi à 20h55 sur Énergie 12. Ne manquez pas les derniers épisodes de la série. Queen et Rachel, les productrices de choc. Mais jusqu'où iront-elles? Je veux mettre en place le meilleur final qu'on ait jamais tourné. Leur ambition n'a pas de limite. Unreal, la série phénomène qui met la télé à nu. Mardi à 20h55 sur Énergie 12. Gagnez votre super séance énergie pour Ninja Turtle 2, la suite des aventures des super-héros les plus cool. Connectez-vous dès maintenant sur energie.fr et gagnez dans votre ville une projection privée du film en avant-première juste pour vous et vos amis. Ouais, carrément trop mortel. Ninja Turtle 2, au cinéma en 3D le 29 juin avec Énergie. Hit music only. Destin au 7-22. L'avenir est toujours incertain, c'est vrai. Mais les astres peuvent te guider. Envoie par SMS Destin, D-E-S-T-I-N, au 7-22. Et nos astrologues te diront de quoi est fait ton futur. Tout savoir pour avancer plus sereinement, envoie Destin au 7-22. 65 centimes plus prix du SMS et énergie. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque soir. 22h01 sur énergie, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez, de retour à l'antenne là. Allez, je crois qu'il nous reste que 3 minutes en fait. Voilà. Putain, c'est vraiment l'émission que ça vient à rien. Putain, j'ai pas eu le temps de rentrer dedans là. Je suis désolé les copains. Putain, ouais, c'est chaud là. Ouais, on s'est battu, mais bon, on n'a pas le droit de rester plus longtemps. Apparemment, on a rediffusé TF1. Enfin, on a rediffusé le concert de David Guetta qui est en même temps en simultané sur Énergie et TF1. Voilà. Et donc, c'est dans 3 minutes, il y a la pub qui vient. Dès que la pub est terminée, on est obligé de renvoyer. Allez voir la vidéo du lion quand on se fait attaquer. Vous êtes des dizaines de milliers à aller la voir depuis tout à l'heure. Déjà, c'est énorme. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. C'est 49 000 vues pile 00. C'est énorme. Sur YouTube en une heure, ce qui est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sur Facebook aussi, je vous ai mis de quoi gagner tout le week-end des iPhone 6S, des PS4 et des MacBook. On va faire un tirage au sort dimanche soir parmi tous les cadeaux. Vous êtes déjà, mais c'est énorme, hein, 4740 à avoir partagé le post. Merci. Merci beaucoup. On est 1 901 000 quasiment. On arrive en route vers les 2 millions. Juste Guigui de la régie, avant que Guetta revienne. Ouais. Il te restait un petit son à nous faire écouter. Qu'est-ce que tu avais trouvé sur Internet? C'est ça. Bah, en fait, c'est un papy de 82 ans qui a fait le buzz cette semaine aux États-Unis encore. En gros, c'est pendant l'émission Incroyable Talent. T'as vraiment pris que des trucs aux États-Unis. Là, c'était un spécial, ouais. Et en gros, pendant l'émission Incroyable Talent américain, bah, il vient pour passer son audition, il vient pour chanter. Et le truc, en fait, qui a un peu surpris tout le monde, c'est le choix de sa chanson. En fait, dès qu'il a commencé, bah, on a vu que c'était pas un choix normal pour un papy de 82 ans, quoi. Let the body set the floor. Let the body set the floor. Let the body set the floor. C'est quoi? C'est du métal. J'ai vu un truc, attends, il est où mon son? Il est là. C'est un enfant de 10 ans qui est autiste, donc il parle pas du tout. En plus, il est dans la vie de tous les jours. Il est complètement autiste et quand il monte, il prend le micro et il a chanté de ouf devant tout le monde lors d'un, je sais plus ce que c'est un Incroyable Talent, je sais plus quel pays aussi. Ouais, c'est ça. Et écoutez, il a 10 ans, il est autiste et quand il prend le micro. Ça va être fou pour les parents, quand même. Ah ouais, on va être fiers, là. I want to see. Je chante juste à 10 ans. Hein. Ah ouais, bravo. Putain, même moi à 30, je chante pas comme ça. Voilà, ça pourrait comme le son de Guigui de la régie là. Moi la seule fois où j'avais pas ma ceinture, on a fait des tonneaux avec mes collègues, on est sorti indemne. Mais j'ai eu chaud, salut gros là. Salut. Eh ben merci, moi j'étais en rafale et j'ai failli rentrer dans une autre collègue car il a mal annoncé son cap. Salut à toi là, en rafale. Ah ouais, bah c'est vrai que tu bah non. Si t'étais pilote ouais. D'avion en l'air, là. Pilote de chasse. Moi je suis sorti de boîte, ouais, parce qu'on a eu un message de l'escadron F12 là aussi là. Ah ouais. Moi je suis sorti de boîte à La Rochelle et je suis tombé dans le port de La Rochelle et mon pote a sauté pour me récupérer. Oh, merde. Parce que j'étais bourré. Ah ouais, c'est chaud. Appelle ça, Steven du 7-9. Attends, tu n'as pas vu l'escadron Ah oui, voilà. Tu pourrais passer une dédicace à l'escadron de rafale de la flottille 12F du porte-avions 1. On revient tous d'une mission de 8 heures et on a. Et tout l'escadron s'est posé dans la salle pour vous écouter de repos. Salut les gars. C'est énorme, c'est rigolo. Et bah, salut les F12. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. C'est-à-dire que toi, tu fais tomber ton avion dans la mer, on perd 1 milliard d'euros, la France. Ah ouais. Et lui, on Non, non, parce qu'il peut s'éjecter. Mais ah c'est-à-dire oui. Que t'imagines, dans les mains, tu pèses 1 milliard. Ah, t'as la pression quand même. C'est dingue quand même. C'est sûr que c'est plus cher que de l'or en fait. Ah bah ouais. Il y a les tests avant quand même. Kilo et tout, c'est fou quoi. Bah oui. Moi j'étais. Alors salut les mecs en rafale du coup là. Vous êtes des fous, je vous adore. Salut les mecs, j'ai essayé de me suicider l'année dernière. Une amie m'a appelé, m'a sauvé. Ah bah oui, attends, putain, faut pas faire n'importe quoi les gars là. Je pleure de rire. Tu pourrais mettre la vidéo sur YouTube, s'il te plaît, Mika de 15-6 ou Sonar. Salut gros là. Il me reste 2 heures de route, ça craint sans vous. Ah bah vous serez pas tout seul, vous serez avec David Guetta. Bah oui, hein. Oui, il est là. Alors attends, et juste Julien, toi tu joues, tu geeks un peu ou pas, qui est passé avec nous à l'antenne? Oh bah oui, je geek à mort. Hein. Tu veux le jeu Overwatch là, Origin Edition là? Je l'ai, j'ai reçu des Overwatch si tu veux. Bah ça fait toujours un cadeau en plus. Hein, et bah. J'ai l'impression que je t'offre une grosse merde. Ah ouais, il est cher pourtant, il est pas forcément rien. Guillaume, en fait, franchement, Overwatch, je trouve ça moyen, mais je peux pas critiquer tant que j'ai jamais testé, en fait. Ah bah alors, écoute... En fait, j'ai pas encore testé, donc je peux pas critiquer. Ah, donc, voilà. Bon alors, sur le coup, il a l'air pas mal. Non mais attends, si tu veux, il me reste aussi Street Fighter 2 Turbo sur Super Nintendo. Et j'ai d'autres jeux, si tu veux, on peut trouver ton bonheur. Ouais. J'ai le God de Just Agir. Non, c'est faux, Julien, n'écoute pas. Un énorme God Miché. N'importe quoi. De faux. La taille chevaleresque. Ouais, d'où j'ai un God chevaleresque. Ouais, j'ai pris un God. Il y a marqué mammouth dessus. Ah ouais. Ah, c'est faux. C'est non, bon. Non, mais tu sais quoi, Julien, je vais t'envoyer Overwatch et puis si t'en veux pas, tu vas bien te faire enculer. Et puis je te donne à David Guetta le jeu. Ouais, non, mais vas-y, et tu sais quoi, gros, je vais t'envoyer un cadeau, on va regarder ce qu'il y a en antenne. Attends, qui qu'on veut des Overwatch là? Teddy, Bruno, Fanny, tous ceux qui arrivent au standard. Vous voulez le jeu de PS4 Overwatch ou pas? Ah ouais, moi je veux bien. Allô? Ouais. Ouais, je suis chaud. Vas-y, hein, Teddy, Bruno. Bruno, t'as. Alors, c'est sur PC ou sur PS4? Qu'est-ce que tu veux? PS4. Vas-y, je te l'envoie sur PS4. Vas-y, il déchire, franchement, il est vachement bien en plus à jouer. Overwatch Origin Edition. Non, mais il est vraiment bien en plus. Non, on est tombé sur le seul mec qui aime pas, mais en vrai, il est hyper bien. Teddy, tu veux sur quoi, toi? PC ou PS4? PS4, s'il te plaît. PS4, eh ben très bien. Vas-y, je te l'envoie aussi. Tu m'entends bien, Guillaume? Ouais, je t'entends plutôt pas mal, Teddy, à Lyon, là. Ok, ça marche. Bon, et qu'est-ce qui t'arrive, Teddy, toi, en 2 secondes? Dépêche-toi, en fait, il reste 30 secondes avant Guetta. Ouais, ouais. Il arrive là, il va pas être content. En fait, on se baignait donc dans une rivière et on sautait d'un pont SNCF. Et en fait, il y avait les mecs de la police ferroviaire qui étaient un peu plus haut, on les avait pas vus. Et on a fini, donc ils ont appelé la gendarmerie et on a tout signé en garde à vue. On était 5-6 et on a tout signé en garde à vue. Et c'est vrai? Et alors, et t'as pris quoi comme sanction? Alors en fait, donc la SNCF, elle a porté plainte contre nous parce que. On avait. T'as passé les grillages et tout? Non, dépêche-toi, il reste 5 secondes, gros. Ouais. Non, en fait, il y a un train qui est passé qui était rempli de voitures de la police. Il a été caillassé, le train, mais au moment où il a été caillassé, moi, j'étais dans l'eau. Ouais. Et en fait, donc, c'est ça qu'on a fini en garde à vue et tout. Ben, moi, j'ai rien. Tout le monde a dit que j'étais en train de nager quand le. Ah merde, ça coupe. Ah putain, attends. Je t'entends plus bien, mon Teddy. Ouais, ils ont eu des compensations à payer. Donc voilà, moi j'ai rien eu, juste fait de la garde à vue. Ah bah t'as eu du cul, gros. Bon, ouais, on va vous laisser avec David Guetta dans 20 secondes. Là, il apparemment, il y a le générique qui est en train de partir. Mais non, juste. Mais ouais, nous, putain. C'est bon, Davido. C'est tout gâché, mon Davido. C'est tout gâché. Et c'est bon pour le temps, gros. Pour les platines, pour le DJ, là. On arrive à la trompette. Il est 23h01. Il est 23h01. Voilà, ça y est, le grand show de David Guetta, là. Allez, je vous laisse avec lui. Je t'embrasse, mon Teddy. Bisous. J'ai pas le temps, dis-moi vite. Je souhaite juste un bon ramadan à ceux qui le font et à Amina si elle le fait. Voilà, et bah, salut tout le monde, Teddy, Julien, Bruno, gros bisous à tout le monde, je vous embrasse très fort. Bon week-end les mecs, dimanche 20h sur Facebook, Guillaume Play, PLEY, sur Twitter, Instagram aussi. Je vous laisse avec David Guetta. Bon week-end, j'ai essayé de chercher des cadeaux. Bisous tout le monde, et David Guetta, grand show sur Énergie. Le grand show d'ouverture de l'Euro 2016 en direct sur TF1 et Énergie. David Guetta. suis trop content d'être là. C'est vraiment, vraiment un des moments les plus extraordinaires de toute ma vie. Merci à tout le monde d'être là. Et je veux vous dire à quel point ça me fait chaud au cœur de voir tout le monde ensemble à Paris, de voir de l'unité, de voir des drapeaux de tous les pays ensemble. Et peu importe d'où on vient, qu'on puisse tous s'aimer et tous faire la fête ensemble ce soir. show de David Guetta. En direct. En direct sur Énergie. Guetta. Time. Vous êtes trop beau. Je crois que c'est la plus belle image que j'ai jamais vue de ma vie. Voilà. Don't make a sound, talk to me now, now. direct sur Énergie. To fly, to let soirée, vous êtes là. Je voudrais comprendre à Zara comment on fait ici à Paris. Eiffel en direct sur Énergie. Je voudrais quand même avoir une photo souvenir parce que là, ça va pas se passer tous les jours. Please give me some lights on my party people. Éclairez tout le monde s'il vous plaît, je veux tous vous voir. Viens, viens, mets-toi là, mets-toi là. Tiens, regarde, hop, on va faire comme ça. Ah non, tu peux pas monter. Alors attends, vous êtes prêts? Je veux voir tout le monde les mains en l'air. Merci beaucoup, vous êtes au top. Ce sera le tout dernier de la soirée. C'est le grand show de David Guetta. En direct sur TF1 et Énergie. Encore une fois, merci à TF1 et puis à tous les gens qui nous ont regardés dans le monde sur Facebook, live et sur YouTube. Vous êtes prêts pour le drop? Tout le monde! De l'Euro 2016 en direct sur TF1 et Énergie. David Guetta. De 22h à 1h. C'est le best-of de Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Ah, et sur Énergie, étant donné qu'il y avait le concert sur TF1 ce soir, on vous avait prévenu juste avant de l'envoyer, on ne savait pas à quelle heure ça allait terminer. Donc nous avons enregistré cette petite extrait cet après-midi avant de commencer l'émission, puisque nous savions que nous ne pouvions pas être en direct à cause du concert. Il y avait une heure incertaine de fin. Voilà, mais en tout cas, on va se refaire les meilleurs moments jusqu'à 1h du matin sur Énergie. Nous sommes toujours avec toute l'équipe, avec Jules Stagiaire. Ouais, je suis toujours là, moi. Avec JM du Standard. Ouais, salut à tous, on est chaud. Avec Amina du Standard. Oui, oui, toujours. Avec Flo des Cadeaux. Ouais, toujours là. Voilà, toute l'équipe est là, et on va se refaire les meilleurs moments. Alors, ouais, dans les meilleurs moments, il y avait Xavier. Xavier qui a appelé il y a quelques jours. Il était marrant, lui. Et Xavier qui nous a parlé d'un délire sexuel extrêmement bizarre. Et attends, tu appelles de quelle ville, Xavier, toi déjà, là? Athan. À Than. Eh ben, si on a qui sont à Than, alors il n'y a pas de problème. Salut à THAN. C'est THA2N, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est vers... THANN. C'est vers quelle grosse ville? Mulhouse. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, tu confirmes. Enchanté, gros. Tu fais quoi dans la vie, Xavier, là? Paysagiste. Paysagiste, eh ben, enchanté, alors. C'est un playsir d'appeler. Tu paysages quoi, toi, Xavier? Oui, l'espace vert, la tonte, voilà. D'accord, ok. Tu bosses à la ville? Non, t'as une entreprise. Ah, ok, cool. Bah, sois le bienvenu, mec. T'es déjà passé à la radio avec nous ou jamais? Non. Jamais, première fois. C'est le dépucelage radio aussi, hein? Ah, c'est sympa, mec. Hein. T'écoutes de quelle heure l'émission d'habitude, Antoine? Hein, allô? T'écoutes de quelle heure allô l'émission d'habitude, pardon, Xavier? À peu près jusqu'à 22h. et jusqu'à la fin. Ah ouais, d'accord. Merci. Ah, t'arrives à me dire jusqu'à. Ah, c'est super gentil, mon Xavier. Et toi, Antoine, de quelle heure à quelle heure t'écoutes l'émission en général? Moi, début fin. Ah, ouais, c'est vrai. En entier, ouais. Les replays sur YouTube quand je peux pas, et début fin. Ah, bah, c'est sympa, merci beaucoup. Ouais. Merci. Antoine, tu disais que tu rêvais d'une dame de 80 ans de faire l'amour à une mamie. Et puis, alors, Xavier a répondu. Hein, Xavier a appelé au standard. Qu'est-ce qui t'est arrivé, mon Xavier, 23 ans, là? Oui. Une fois, une dame m'a parlé et j'ai fait l'amour avec une dame de 65 ans. Voilà. Ah, bien, ouais. D'accord. Et t'as parlé où, cette dame de 65 ans? Comment? Pardon, excuse-moi. Non, je dis, et t'as parlé où, cette dame de 65 ans? À Tannes. Ah oui, à Tannes, ouais, d'accord. Dans ta ville. Mais c'est pas... Dans la rue? Ouais, c'est... Oui, ouais, ouais. Elle t'a accosté? Oui. Oui, voilà, c'est bien. Faut savoir, Evote, je veux juste savoir comment, dans quelle manière tu l'as rencontrée, en gros. Au feu rouge? Oui, elle m'a parlé et tout, elle m'a donné son numéro. Et après, j'ai la dame et voilà. Et comment ça s'est passé, l'amour avec une dame? Et t'avais quel âge, Xavier? À peu près l'âge de... Oui. Ben, à peu près l'âge de... Ouais, 20 ans à peu près. Environ 20 ans, ouais, d'accord. Oui. Okay. Et à ce coup, ben voilà, on a fait l'amour et tout. Tu l'as pris dans quelle position, la mamie? J'ai pris par derrière et par devant. Non. T'as sodomisé la mamie pour de vrai? Mais non. Ouais, voilà, oui, t'as sodomisé la mémé? Ah, t'es un violent, toi. Non, pour de vrai. Une sodomamie. Oui, bah oui. Non, on sodome pas les mémés, c'est une blague. Attends, c'est le coup de ça serait une chanson de rap à faire, ça. Je veux pas classer quand je m'entraîne la frappe. J'ai sodomisé la mémé. Bing, bing, dans la mémé. J'ai pris la mémé, on le voit. Bing, bing, dans la mémé. Non, mais attends, c'est horrible. Mais déjà, le mémé, déjà, c'est abusé. Non, mais c'est clair. La mémé est tenue sur les genoux, quand même. Bah oui, voilà. Genre, mis contre un mur. Moi, j'aurais peur qu'il y ait un malaise. Elle met le cœur. Hein. Ah ouais. Imagine. Ah non, attends. La ville, c'est Tannes. Oui, mais à ce coup, la mémé, la dame, elle se met à quatre pattes et voilà. Ah ouais. Et toi derrière. Et la dame, elle était comment physiquement? Genre, de toute façon, elle est assez mince. Ouais. Et voilà. Jolie ou pas? Oui. Ouais, qu'en plus, la dame, elle est les cheveux assez courts. Ah ouais. Ah ouais. Elle sentait bon? Oui. Ouais. Et à ce coup, ben, elle m'a pompé, voilà. Et après, ben, j'ai pissé dans sa bouche. Non. Ah, c'est ça, putain, non, sérieux. Non, mais arrête. Les gars, et de jour en jour, vous me flinguez, hein, franchement. Non, mais le mec, je pensais qu'il allait dire tout ce que tu veux dans le coup. Ah, ouais. Mais là, c'est trop. Mais attends. Et donc, c'était une mamie. Attends, comment ça s'est. Alors, ça s'est passé comment? Et t'as chauffé? Celle qui t'a chauffé, et t'as invité à boire un café au début, c'était quoi l'histoire? On prend à zéro. Oui. Ben, d'abord, elle m'a payé un verre et tout. Mais un verre de quoi? Un verre de vin blanc. D'accord, ok, non, mais je me resitue un peu, hein, d'accord. Ouais, voilà, oui. Et après, ce coup, ben, on a parlé et tout. Et après, elle m'a fait, viens dans ma chambre et tout. Et après, voilà, on a fait. Voilà. Alors, j'ai pris la dame par derrière, mode quatre pattes. C'est en mode 4 pattes, c'est en mode casse-pattes, il a dit. Ah, voilà. Ouais. Et après, ben, j'ai pris par devant. Après, mais comment par devant, c'est-à-dire quoi? En missionnaire? Ben, position à cheval, tu sais, position de cheval, voilà. C'est quoi, cheval? T'as mis une selle et tout? Ouais, voilà, oui. Qu'est-ce que t'appelles la position cheval, mon Xavier? On la connaît pas, nous. Ben, d'abord, tu prends son... son fer. La crinière. Sa selle. Tu lui mets des... Tu mets une carotte dans la bouche. Tu donnes de la voile à manger. Oui. Vas-y, explique-nous, mon Xavier, mon gros, parce que sinon on comprend pas. C'est quoi la position cheval? Oui, d'abord je prends son pied, je lève bien haut et voilà, je mets mon mon pénis dans son truc. Elle est sur le dos. Ouais. Non, en fait, ça s'appelle une position missionnaire, en gros. Hein. Oui, c'est classique. Avec les jambes levées. Avec les jambes levées, une, avec les jambes sur les épaules, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Et après, bah, elle a joué et tout. Et après, elle se, quoi, m'a pompé. Et après, parce qu'en fait, Xavier, attends, parce que Xavier, il a 23 ans. T'en avais 19, hein, et t'as fait l'amour avec une homme de 65, c'est ça? Je disais, t'avais 19 ans, t'as fait l'amour avec une femme de 65. Et tu l'as fait un cunis au début ou pas du tout? Comment? Est-ce que tu l'as fait un cunis? Tu sais ce que c'est qu'un cunis ou pas? Non. Cunis, c'est quand il faut lécher le. C'est quand il faut lécher. Ah oui, le clito. Ouais, c'est quand il faut lécher le clitoris. Oui. Bah oui, quand même, j'adore ça. C'est bon et tout. Ah ouais. Elle a kiffé. Et après, elle m'a pompé. Et à ce coup, j'ai envie de pisser. Elle m'a dit, vas-y, pisse-moi dans la bouche. Ben ouais, mais bon, je suis gêné ce coup. Et après ce coup, ben, vas-y, pisse-moi. Et après, voilà, elle a levé sa bourre. Et tu as tiré la chasse après? Attends, mais tu as pissé à la bouche, mais ça déborde, je veux dire. Non, moi, j'ai pas. Ben, peut-être qu'elle a avalé. Oui. Et quoi? Oui, un petit peu, oui. Oh. Elle a avalé? Ah ouais? Oui, un petit peu, ouais. Mmh. Oui. Oh. Mais attends, donc tu as fait une facile bébé, mais tu as fait ça où? Sur le lit? Ben oui. Mais ça te fait puer. Mais sérieux. Ben lui, il remplit de pisse après moi. Bon, hein. C'est pas chez toi. C'était chez elle ou chez toi? Chez elle. Non, chez elle. Ah ouais. Ah ouais. Oh, l'histoire. Et attends, et t'as joué où? Ben, dans sa bouche aussi. Ah oui, avant. T'as joué. Ah ouais, d'accord. Mais t'as fait l'amour avec une capote quand même ou pas? Non. Oh, non, mais après, voilà. Après, j'ai éjaculé dans sa bouche. Oui, j'ai compris ça. Ouais, mais bon, il n'y a pas que ça. Hein. Non, c'est ça le problème. Le problème, c'est maladie, tu sais, Xavier. Ouais, voilà, oui. Ouais. Bon, après, ouais, mais tu sais, j'ai fait un test pour une prise de sang et c'est bon. J'ai aucune maladie. Oui, mais c'est mieux, quoi. Mais elle, tu sais pas, c'est ça le problème. Attention, hein. Le problème, c'est pas toi, c'est les autres, parce qu'il faut faire toujours attention aux autres. Elle est morte ou pas, la mamie? Ouais. Non, mais attends, en tout cas, c'est vachement bien. Xavier, t'as raison. En tout cas, t'as assouvi un fantasme. C'était un fantasme pour toi, une dame de 65 ans, Xavier? Comment? C'était un fantasme pour toi, une dame de 65 ans? Oui. T'avais envie de le faire, quoi? Ah oui. Et là, depuis à peu près 2 ans, j'ai une copine, elle s'appelle Claudia. Hein? Et voilà. Ah bah très bien. Bravo. Et elle a quel âge? Pas vu le rapport, mais on les embrasse. Ouais, elle a 20 ans. Ah ouais, ah ouais. Ah, t'as une copine maintenant de 20 ans. Ah, ouais. Ah t'es posé, quoi. Ouais. 45 ans d'écart d'âge, hein, entre la première et la deuxième. Un respect. Ah ouais, il y en a un qui dit salut Olivier, qui dit j'en ai les larmes aux yeux, là c'est ton champion, salut les gars. Bah, gros bisous à toi, Olivier. Bonsoir à vous. Hein. Mehdi de Marseille, vous m'avez achevé, bordel, je vous adore. Il y a que vous pour faire ça, bande de hâte. Toujours accro au bout de 5 ans. Merci, Mehdi à Marseille. Salut Mehdi. Salut les gars, gros bisous. Il a mis des genouillères, a mis de la poésie, bonsoir. Il me tue, ça sent le fake, mais c'est super. Pardon. Cette émission, c'est la seule où tu parles un truc, puis d'un coup, tu te retrouves à parler de quelqu'un perfect, demandait Aurore de Melun. La Salut. Position de cheval, demande-lui, c'est pas la position où il faut lui donner une poignée de foin. Ce soir, c'est le best-of de Guillaume Radio 2.0. De 22h à 1h, sur Énergie. So if I stand in front of a speeding car, would you tell me who you are, what you like, what's on your mind if I get it right? How I love that no one knows, and the secret's all that we've got so far. The demons in the dark lie again, play pretend like it never ends. This way no one has to know. Even a half smile would help slow down the time. If I could call you half mine, maybe this is the safest way to go. We're singing hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya, hey ya. This is the safest way to go, nobody gets hurt. We're singing back to her. So if I stand in front of a speeding car, would you give your little heart, say the word, I'll do it too, just me and you, this way everyone will know, cause the secret's all that we've got so far, the demons in the dark, lie again, play pretend like it never ends, this way no one has to know, even a half smile would help slow down the time, if I could call you half mine, maybe this is the safest way to go, we're safe. secret. I don't really need it. I know you can feel this, so advertise my secret. Ce soir, c'est le best-of de Guillaume Radio 2.0 de 22h à 1h. Et on a dépassé d'ailleurs les 1 900 000, un truc de fou hier sur la page Facebook. Et ouais, venez continuer de nous retrouver dessus là, Guillaume Play, P-L-E-Y. On est en route vers les 2 millions, truc de fou. On arrive à 2 millions, mais c'est quasiment fait en plus déjà là. Guillaume Play, P-L-E-Y, pour venir d'en trouver. On a dépassé 1 900 000 hier. Essayez de venir, vous êtes les bienvenus les gars. 1 956 000, je crois, 970 000 quand on avait fini l'émission hier soir. Ouais. Et là, on est en best-of jusqu'à 1h du matin, puisque le concert TF1 avant nous, on l'a rediffusé sur Energy. On ne savait pas à quelle heure ça allait terminer. Donc on a dû enregistrer plusieurs petits modules. On a remis les meilleurs moments de la semaine dernière. Et il y avait un Xavier qui nous avait appelé. D'ailleurs, il t'était ravi d'une autre histoire, toi, un peu marrante dans le sexe, Xavier. Si, un petit peu. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Des fois, je me masturbe. Ouais. Derrière le rire qui fait tout. Ah, bon. Oui. Ouais, d'accord, ils avaient pardon, excuse-moi. Oui, et en même temps, j'aime bien mettre un go de. Non. Si. Ouais. Vas-y, c'est possible, pourquoi pas. Il s'autogode. On l'a déjà eu, on l'a bah déjà oui. Eu. C'est marrant mais... comment il le raconte. Mais... Et elle t'a godé, la mamie, ou pas? Non. Comment? La mamie, elle t'a godé ou pas? Bah, c'est vrai. Un coup de canne, au pire. Et il est passé avec son gode dans la rue. Moi c'est Laurent, j'ai une collection d'aventures avec des beaucoup plus âgés, on va t'appeler. T'as, c'est fou. Attends, et tu te masturbes et t'as un god, tu l'as acheté où ton god, Xavier? Bah ma casin de god. Voilà. Ouais. Un sex shop. Un sex shop quoi. Ah oui. Et, et t'as pris un. Il est de quelle couleur ton god? Bah bleu. Ah, c'est normal. Ouais. Ouais. Comme l'équipe de France. Il est très gros? Comment? Tu l'as pris gros, tu l'as pris tordu, tu l'as pris comment? J'ai pris vraiment bien droit. Ouais, gros bien. Ah, il bande quoi le code. C'est un bâton. Quoi. Ouais, ouais. Il vibre ou pas? Oui, un petit peu. Ouais, d'accord, putain. Ouais. Mais t'as raison, hein. Franchement, c'est pas la première fois qu'on a des mecs qui se mettent des dos dans le cul. Il y en a plein. Et il se paraît, c'est très agréable, un dos dans le cul. Il paraît, ouais. Mais, apparemment. Ouais. Voilà. Et Guillaume, oui, et après que je me masturbe, ben, je. Ça fait que bon, ça, j'ai un petit peu du mal à dire. Ben après j'ai jouir, ben je laisse tout mon sperme. Ouais. Non, je te crois pas. Non, mais sérieux là. Bah si. Bah pourquoi pas. Bah attends. Bah ouais. Bah non. Toujours en plus. Attends. Et tu jouis où? Sur le téléphone. Non mais attends. Alors il fait ce qu'il veut. Attends. Alors attends, et donc, et Xavier, alors tu disais que tu jouais, mais tu jouais où en général quand tu te branles avec un god comme ça? Ben sur moi, et après ben je laisse tout mon sperme, je kiffe et tout, voilà. Nettoie. Sans plus. Mais comment? Je te nettoyer. Et comment tu fais pour? Et comment tu fais pour arriver à lécher le sperme sur ton ventre? Ben, la première fois, j'ai commencé là, j'ai 17 ans, et j'ai bien aimé, voilà. Ouais, non, mais dans le sens, comment tu fais pour atteindre le sperme si c'est sur ton ventre et arriver à le lécher? T'as une très grande langue? Ah non. Ben après, je prends avec mes doigts. Ah ouais, d'accord, tu racles en fait. Ouais, voilà. Ouais, tu vas chercher. Il récupère les petits bouts là. Pas de gâchis, Laval. Ah bah c'est voilà, merci à toi. Ça me dégoûte si je vous kiffe. Et bah c'est gros bisous. C'est à quelle date que vous venez à Rouen? C'est le week-end du 18 juin, je crois, le 17 juin. Ouais. Sera le dimanche. Et toi, t'aimes bien avaler? Tu fais à chaque fois que tu te branles, genre, t'avales ton muspère? Oui, chaque fois. Ouais, bah chacun. Je sais pas, j'ai du plaisir. Je sais pas. C'est un rituel, quoi. Ouais. Une habitude. Mais Guillaume, franchement, j'aime pas les mecs. Ah non, ça n'a rien à voir. Ah non, c'est différent. Je viens de ça truc. Après, moi, c'est marrant parce que parfois, il y a des trucs, tu vois, je me branle et tout, je pense à des trucs un peu sales. Tu vois, des trucs un peu hardcore et tout. Enfin, des trucs, tu vois, un peu machin. Et dès que je me suis branlé, je serais incapable de. T'as un peu honte, limite. Je vais fermer. Non, mais. C'est un peu sale. Je suis la stagiaire, je vais même pas savoir ce que tu regardes. Non, mais des fois, tu dis. Non, pas ça. Non mais dans le sens où ça m'excite plus. Ton imaginaire il va trop loin. Et donc du coup, non mais je plaisante, oui, ils y ont aussi parfois. Je regarde autour, ils y ont. Après t'as même plus envie, t'as. Tu dis ah c'est dégueulasse. Et du coup j'éteins le truc et effectivement ça m'arrive aussi. Bah oui. Même avec une meuf des fois. Et donc de quoi avec une meuf? Quand t'es avec une meuf, tu couches avec elle, tu fais des trucs un peu chaud, tu vois. Tu l'insultes, tu la tabasses un peu gentiment. Et après, tu. Non, mais après. Non, mais c'est chaud, Non, mais après, tu la prends dans tes bras, tu vois, c'est le rapport. Tu la tabasses un peu. Non, mais gentil, tu la malmènes. Bah, mais tabasses gentiment, j'ai dit tabasser gentiment. Tu vois. Elle pouvait mal tomber enceinte, la mamie. Salut Didier. Ouais. Putain, je suis KO, elle a mangé cher, la mémé. Signé l'homme au Bob de Bruxelles. Salut l'homme au Bob. Ah, le Renoir, je t'embrasse, poteau. Salut, poteau. Allez, gros bisous, poteau. Salut. Et style en plus là. Moi, mon cousin souhaitait des vieux de 80 ans pour de l'argent. Bon, on va t'appeler pareil. Hein. Est-ce que ça vous est déjà réexpliqué un petit peu l'histoire là? Du producteur au consommateur, il mange tout ça. Ce mec, il va me faire gerber. Non, mais attends, Julien prend des notes pour son histoire. Ah, bah oui, mais bon moyen. Il t'arrive une autre histoire, Julien. Xavier, pardon, qu'est-ce que t'aimes bien faire de différent aussi là? Bah, rien de spécial. Oh, c'est déjà pas mal là. Oui. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est cool. Il y a une catégorie porno que t'aimes bien, Xavier, qui est un peu original. Porno, comme porno, les films et tout. Ouais. Tu kiffes. Ouais, c'est le cinéma. Ou sinon XXN. Ah ouais, non, mais les catégories, pas les sites, qu'est-ce que t'aimes comme catégorie? Il y en a qui disent, je peux plus, je suis mordeur, je suis obligé de m'arrêter au volant du camion, tellement j'en peux avec ton chambre. Salut Roger, un routier. Salut. J'ai failli m'étouffer en rigolant. Vous me tuez, salut Cédric du 6-8, gros bisous. Hein. Bisous. Alors, j'ai failli avoir un accident sur la 6 et je me suis pissé dessus. Non. Il y en a un qui dit, c'est rigolo. Ça en devient dangereux, quoi. Alors, attends, donc vas-y, raconte, frérot, excuse-moi, Xavier. Ouais. Et donc, ouais, quelle catégorie t'aimes bien quand tu le cucu? Les guines, c'est cool, ça, je kiffe. Les guines. Ah ouais, t'aimes bien quand elles font quoi, les guines? Bah, c'est ça moule. Ah ouais. Elles s'embrassent. C'est gentil, ça fait vraiment plaisir. Parce que toi, Xavier, c'est combien de temps que tu... C'est combien de temps que tu connais l'émission, Xavier? Un an. Un an, c'est génial. Faut l'appeler tous les jours. Ouais, bah, grave, Alexis. Ouais, il est bien. C'est exactement ce que je me disais. Et un an, bah, c'est gentil. On te rappellera demain, les Xavier. On fera un point. Oui, et Xavier Antoine, le duo parfait, là. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Et ça s'est passé comment ta première fois, Xavier, là? La première fois, ben, je me sens gêné. Et après, ben, ça va tout seul. Tu t'es quoi? J'ai pas compris. T'es gêné. Je me sens gêné la première fois, c'est normal. Ah bah oui, bien sûr. Ouais, tu démarres, quoi. Ouais. Ouais, voilà. Non, c'est normal. J'étais à Corpusso et tout. Voilà. T'avais quoi? J'étais à Corpusso. Bah oui, c'est normal, ouais, c'est ça. Ouais. L'autre auditeur est en train de s'étouffer derrière, mordre Emma. Quand il y a un peu de confiture, il faut du sperme. Il faut la péter tous les jours. Je peux me remettre mort de rire. Les meilleurs moments de Guillaume Radio 2.0. C'est ce soir, de 22h à 1h. Sur Énergie. Music only. 2.0. Allez, on se fait. Enfin, c'est pas vraiment toute la soirée, on était en direct jusqu'à minuit, enfin jusqu'à avant le concert, jusqu'à 22h50. Je crois que c'est la plus courte émission qu'on ait faite en l'année. C'est le record, 50 là. Minutes. Ouais. Et vu qu'il y avait un concert rediffusé sur TF1 pour le lancement de l'Euro là, avec David Guetta, etc., bah, on n'a pas pu être en direct après. Donc on a dû enregistrer quelques meilleurs moments de l'émission qui nous sont arrivés la semaine dernière. Il y avait le Xavier qu'on écoute depuis tout à l'heure qui nous avait raconté plein fou. D'histoires de cul incroyables. T'avais déjà essayé un truc avec le caca d'ailleurs, comme Baptiste hein, qui vient d'appeler, toi Xavier là. J'ai essayé une fois pour toucher mon caca, mais j'ai pas aimé. Ouais, c'est le caca. Voilà. Et comment ça s'est passé avec le caca? Bah, la première fois, j'ai herbé, franchement. Mais qu'est-ce que t'as fait exactement avec le caca? Bah, d'abord, j'ai pris mon caca. À la phrase. Il va faire un malaise. Tu l'as sorti des toilettes? J'ai bavé sur la table, excusez-moi. Bon. Ah, vas-y, raconte le détail, Xavier. Ouais, bon. Ben, oui. j'étais aux toilettes et j'ai fait mon caca comme j'ai fait mon caca dans la main. Ah, c'est épique. Alors, vas-y, raconte tout ça. Donc, t'as fait caca dans ta main ensuite. Oui. Mais après, je me mets. Attends, mais c'était dur, c'était quoi? Bah oui, dur, vraiment dur. Ouais. C'est du costaud. Et après... C'est du costaud, t'as dit? Alors, pardon, excuse-moi. Et alors, après? Oui. Et après, je m'ai mis partout sur moi. Non. Non. Sur mon corps et tout. Un bon épaisseur. Si, si. Et après, c'est tout, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'étais à la douche pour me laver, voilà. Ouais, d'accord, ouais. Et tu bondais un peu quand même au début ou pas du tout, là? Oui. Il y en a qui dit je les écoute de très loin et je suis prêt à faire 5000 km le jour et bien avec vous dans l'émission. C'est gentil, on t'embrasse. Il y en a qui me dit pas trop de morale en ce moment, il me remonte le moral. Et ben c'est le principal, c'est le but. Arrête poteau, j'en peux plus Kevin de Sarcelles. Je suis en PLS les gars. Il est exceptionnel, j'en peux plus le gars de Gérard. Mais j'ai du coup de foot pour toi, regarde tes lives. Ah bah gros bisous, merci beaucoup, je t'embrasse très fort. Il s'est fait une mousse avec, il l'a mangé. Je suis obligé de m'arrêter, j'arrive plus à conduire mon camion, ce n'est pas une vanne tellement j'en peux plus. Ah bah merde. J'ai obligé de m'arrêter sur l'autoroute avec mon semi-remorque. Voilà deux messages qui arrivent en même temps. J'en pleure d'un merci. Nom de Dieu, Pierre du 84, c'est un bon RPZ de l'Alsace. Arrêtez, putain, j'ai mal au ventre, un perfect dans ses mains, Alexis. Il a fait un perfect. Et le caca, tu t'es étalé sur quelle partie du corps? Bah, sur le ventre et sur les cheveux. Quoi? Les cheveux? Mais non. Enfin, un shampoing. Arrête! Dans les cheveux. Il met du caca dans les cheveux. À quel moment tu mets du caca dans les cheveux? Mais je t'as fait quoi? J'ai fait une houppette. C'est vrai que c'est du gel ou quoi? Attends. Mais t'es... Non. La goutte de ouf. Et t'as fait un selfie ou quoi? Ah non. T'as filmé. Oh la coupe de merde. Oh putain, mais... oh. Eh, arrête de sa photo, j'ai pas pleuré comme ça. Oh putain. Oui, j'ai le soldat, il a failli. On va découper ce moment où il a vomi à moitié. Ah ouais. Il a failli roter. Ah ouais. J'ai ça, il a fait une sorte de roter. Ah ouais. Putain, c'est énorme. C'est un Kratos avec salut. C'est un qui Karima. C'est Amina du soldat. Je suis mort tout seul dans mon lit. C'était il a mangé mousse à quelqu'un. C'est le double fait qui se couche. Je peux plus conduire, j'en peux plus, il va me tuer. Et non, alors, attends, et tu l'as pris, donc tu l'as étalé. T'en as pas mis sur ton visage du tout, Xavier? Non, enfin non. Ouais. Donc faire un masque. Hein. Et t'as pas goûté? T'es plus à ça après. Non. Faire un genre. Après j'ai mis quoi sur mon sexe, voilà, mais. Non. T'es sorti tout nu avec de la merde sur les cheveux. Mais t'étais dans quelle pièce quand t'as fait ça, les toilettes? Non. Sur le balcon. J'ai pleuré derrière. Ah là là, c'est magnifique. Putain, c'est un sketch. Alors attends. Il y en a qui dit je suis au boulot, j'ai mis le haut-parleur pour que les collègues entendent avec moi. Putain, salut les gars. Là. Salut. Eh ben merci, merci les collègues. Ouais. Si vous nous découvrez, je veux une vidéo de ce moment Pompi du 24. Je sais pas si ce sera possible. Ah ouais, c'est hardcore. Le mec qui est sponsorisé par Jacob Delafont à ses toilettes, ouais, du Bordeaux. Oh putain, j'ai mal à la mâchoire, c'est un fou le gars. Attends, et donc, t'étais dans les toilettes et donc t'as foncé, t'as pris un bain ou t'as fait quoi? T'as pris une douche? Ah ben après, j'ai pris ma douche et voilà. Ouais, mais tu l'avais quand même trois fois. Ah bah ouais. Ça colle. Tu t'es nettoyé avec du papier toilette ou t'as fait quoi? Attends, et comment t'as fait quand elle est... T'as fait un shampoing. Il y en a qui disent t'as fait un shampoing à l'eucalyptus. C'est génial, hein, c'est marrant. Attends, et t'as pris un shampoing direct ou pas, Xavier? Oui. Oui. Je me suis vite rincé au plus gros comme ça et après... T'as dit quoi? Je me suis vite rincé avec de l'eau nature. Ouais, après, j'ai pris du shampoing. Ouais. Je suis lavé trois fois. Ah oui, normal. Ah oui. Mais t'as réussi à te branler quand même avant ou pas du coup? Oui, ouais. Ouais. C'est vrai, ouais. Et tu t'es branlé jusqu'au bout, genre? Dans le caca. Bah oui. Bah c'est ça, bah y en a plein qui met le caca, critique pas, j'ai besoin d'un. Parce qu'il respecte. Attends, et donc, tu t'es branlé jusqu'au bout. Et avec de la merde sur la bite et tout. Et donc, et t'as envoyé le musper. Enfin, tu t'es branlé. T'as fini du coup jusqu'au bout? Oui, ouais. Et après, ça t'a dégoûté de sentir l'odeur et tout, quoi? Ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais. Après, je me suis vite lavé, voilà. Ouais, normal. J'habite à quoi avec mon papa, bon. Ah, donc, il t'a pas vu, non. Imagine, il le voit. Je me suis fait remarquer à la salle de bain après, pour me laver. Peut-être qu'il a senti après. Ouais. Ça sentait la merde ou pas dans la pièce? Un petit peu, après, j'ai mis du. Guillaume Radio 2.0. Les meilleurs moments. De 22h à 1h. Sur Énergie. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night. And I won't be long. Gotta do my hair. Put my makeup on. You, baby, and I don't need dollar bills to have Chop it to the floor and make me see your energy because me not play no hide and seek. Pop it, see the thing you ever make me feel weak, girl. Free! Cause anytime you whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Up, up, me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, ce soir de 22h à 1h sur Énergie. Et dans les meilleurs moments de l'émission, je dirais même plus dans les meilleurs moments de l'année, là, dans le top 10 des meilleurs moments de l'année, on a ouvert une boîte de conserve dans l'émission. Qui s'appelle le Surstroming, qui est absolument atroce. Voilà, on a mis la vidéo sur YouTube d'ailleurs. Ouais. Vous êtes combien? 780 000 à d'abord. Ouais. Beaucoup merci déjà. Beaucoup. Merci les mecs. Voilà, c'était absolument atroce. Dans l'émission, on a ouvert une boîte de conserve. L'odeur était insoutenable. Ah c'est bah la pire odeur de la planète. C'était la mort. Hein. Et c'est, non, mais c'était vraiment une même très mauvaise idée de l'avoir fait d'ailleurs. Et on s'est rendu compte, on a eu du mal à finir l'émission. Vous tapez la pire odeur du monde, tout le monde vomit en direct. Voilà, vous êtes quasiment un million à avoir vu déjà la vidéo. Le c'est cauchemar. Ça s'appelle le Surstroming, c'est un plat suédois. Ouais. On l'a ouvert, ça nous a carrément empêché de finir l'émission. Ouais. On va vous rediffuser ce meilleur moment, mais qui était absolument extraordinaire. Ceux qui l'ont pas entendu, ça avait commencé comme ça. J'expliquais ce que c'était en fait. Ça s'appelle Oscar Surstroming. Ouais, c'est du Surstroming. Oscar Surstroming. Ah, des enculés. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais c'est des trucs à bouffer chelou là. C'est un truc qui pue, c'est de la truite, je sais pas quoi là. Ah, mais comment tu connais ça? Bah non, mais j'ai vu le truc, j'ai une bonne vue. Ça va puer dans. Alors, James Sandard, voilà, tu vas l'ouvrir. Tu vas te mettre là-bas. Par contre, je vais vous demander si vous vomissez de ne pas vomir sur les platines, vraiment. C'est pour ça qu'il y a des poubelles partout. Mais elle est bombée la boîte de conserve. Non, mais James Sandard, c'est à côté de moi, vas-y, va là-bas. Juste déjà, va là-bas, ouais, il a raison. Bah, va à côté s'il te plaît. D'accord, ok. Ah, il s'est pris une giclée. C'est le truc le plus drôle que j'ai vu depuis longtemps. Ah, ça pue. Ah, ça sent la merde. Ah non. Ah, ça sent la merde. Qu'est-ce qui vient de se passer? Apparemment, le truc c'est le pire plat du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pue. Sors, James, sors vite, là-bas, sors là-bas, arrête, sors, je t'ai dit, dépêche-toi par là-bas. On a fait une connerie. Sors. Je suis obligé, les garçons. Non mais c'est pas possible, moi aussi, ils ont vomi. Je suis laissé. Sors, fais les cadeaux. Oh non, putain, je vais vomir. Ah, amène-moi un désodorisant vite. Arrête, Jordan Lapointe, dépêche-toi. Va filmer là-bas, va aux toilettes. Les gars. C'est très dur. Non, mais va en bas. Sors de radio, va les mettre dans la rue, vite. Écoutez, les gars, je ne me rendais pas compte. On vient de faire un truc. Je suis seul en studio, les gars. Ah, mais t'as, je préfère. Les gars. C'est pas possible. Les gars, je pensais pas. Je suis seul dans la radio. Je suis parti en courrier pour faire des cadeaux. Non, mais il vient de vomir pour de vrai. C'est affreux. Les gars, j'ai les larmes jusque sur le. Mais ça sent l'intestin, c'est dégueulasse. Non, mais. Juste, j'ai jamais vomi. Tu vas finir sa gémission. Il peut plus. Non, mais c'est affreux. Il peut plus. Ça giclait sur JM et Amina. Il faut qu'il brûle leur dingue. C'est dégueulasse. Ça pue. J'en peux plus. Le studio, il est horrible, les gars. Pourquoi on a fait ça à cette heure-là? Il fallait faire. Il me reste une heure. T'es fini. Moi, je passe dehors. Il reste une heure. Une heure. Les gars, c'est comme si j'avais de la merde sous l'oreille. C'est comme si j'avais de la merde sous le nez. On le mange ou pas? Est-ce que ça se mange? C'est dégueulasse! Au secours! Attendez! Mais c'est quoi? Excusez-moi si c'est arrivé! Tout le monde se barre! Putain! Y'a plus que moi et Flo des cadeaux! Ils sont tous partis, ils vont me. Arrête, j'ai mal! Arrête! Ça a giclé sur les murs! J'aurais dit que c'était bombé! Ouh. Arrête! J'ai mal au dos! Arrête! Ouh, ça pue! Elle avait l'air gonflée là-bas! Sors la poubelle, Guy, là, j'y suis! Mais qui a eu cette idée de merde? Mais est-ce que quelqu'un. C'est stagiaire, sors! Sors! Va-t'en, je vais stagir. On se niquait l'émission. Mais ferme la porte. Voilà, t'as la merde. J'entendais pas que ça pue. Toutes les choses. Bon, je vous explique, nous sommes en direct. Il est 8:00 sur Énergie. Nous venons d'avoir la plus mauvaise idée De la terre. Parce que quand j'ai vu des trucs, vu des trucs à la télé et tout. Oh là là. J'en ai vu des trucs à la télé. Mais ça part pas. J'en ai vu des trucs. Et jamais j'ai senti. Samina du standard, elle est revenue. Non mais genre, j'ai vomi deux fois. Non, là j'ai plus rien dans l'estomac, je suis dégoûtée. Hein. Non mais vraiment là c'est. Écoutez, rassure-toi. Écoutez. Ah non, c'est de l'eau, t'inquiète. Non mais attends, c'est magnifique. Alors attendez, il y a Thomas qui travaille avec nous l'après-midi, est-ce qu'il peut venir? Attends, ils font ma batterie de portable, j'ai plus de batterie pour aller filmer les gars là-bas parce que je suis obligé de m'arrêter, je zigzag sur la 6. Je vous explique. On a acheté une boîte de conserve. Oh là là. Qui est. Il y a de la merde. C'est un caca. Qui est. Mais c'est. Les gars. Je pensais pas que c'était possible sur Terre. C'est impossible. Mais les gars, c'est comme si tu mettais. Je préfère mettre mon nez dans mon cul. Largement. Excusez-nous, c'est abominable. En fait, on a fait une connerie. On a acheté. C'était la pire idée du siècle. Franchement, j'en ai marre. Sors, flic. Prends les papiers, sors. Il y en a d'autres là-bas. Faut pas que tu laisses ouvert. Attends, mais ouvrez toutes les fenêtres là-bas, dans l'open space. Ouvre tout. Je peux pas me déplacer là. Non, mais c'est pas grave. Bon, excusez-moi de faire une aussi mauvaise émission ce soir. Il est 10:00. Nous venons d'acheter un produit. On avait vu ça sur certains sites apparemment. Ouais, c'était la plus mauvaise odeur du monde. On a cherché pour rigoler. Et ça dépassait l'odeur de la mort, de la merde et tout ça. Ah bah oui. Et c'est un plat, en fait, c'est un plat, mais qui ne se mange pas en vérité, je pense, hein, qui est surstroming. Et il paraît que c'est le plat qui s'appelle le plat immangeable. Et on te le met sur l'assiette. Et ça t'enfume apparemment le truc. Et ça pue, ça sent fort ici. Hein. Ah, ça sent dans le couloir aussi ou pas, non? C'est vrai. Mais sors, mais va te laver en bas, il y a une douche. Ah oui, vas-y, vas-y. Ça ne part pas, Guillaume. J'essaie de nettoyer mes vêtements. Mais est-ce que j'aime ça? Il a encore les lunettes, ça coule. Mais je sais pas comment il fait. C'est affreux. Non mais attends, franchement, je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Jordan l'apprenti? Il a essayé de courir dehors. On l'a jeté à l'autre bout de la rue parce qu'il sentait ça. On a enfumé toute la rue. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Non, j'ai jamais senti ça, Guillaume. Je n'ai jamais senti une odeur, j'en ai pleuré. Meilleure émission de l'année, il y en a qui, il n'y aura plus personne pour finir. Ah, mais les gars, écoutez-moi. Allez mettre la boîte dans le show de Mickaël. Ah ouais, si tu veux faire chier quelqu'un, c'est drôle. Ah, ouais. Mais là, c'est même au-dessus. Mais là, l'étage, il est foutu. Ouais, demain, on va se faire engueuler. Ah ouais? Ouais, c'est sûr, ça pue trop. C'est vrai? C'est sûr. On va se faire démonter. Franchement. Non, mais on devrait, ouais. Je vous ai ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur Paris? Non, mais sans déconner, les mecs. On n'est pas en train de déconner, il est minuit 11. Vraiment? J'ai besoin, les mecs, d'un désodorisant de chiottes. Ah non, mais plus. Non, mais c'est pas une vanne. Non, mais vraiment. Même il me faut des désodorisants de chiottes. Ouais. S'il y en a un qui peut passer chez lui, un taximan, un machin, il nous dépose au 22 rue Boileau, 75-06 Paris, dans le 16e. Même les désodorisants pour voiture, là. Les pipites, ah ouais. Les mouettes et tout ça. Là. Enfin, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a, Jason? J'avais la douche, j'en ai vraiment. Vas-y. Minutes, non, mais allez prendre une douche tranquille, je vais faire l'émission tout seul, y'a pas de problème. C'est, si vous, êtes, vous avez ouvert de votre côté, Jason, ils avaient pris une chiquée. Mais moi aussi, T'as vu comment ça sent? Et on a. J'ai fait qu'un croc. J'ai fait qu'un truc dans la boîte, Guillaume. Elle était grosse. On l'a même pas ouvert un entier, Guillaume. Mais quand je me dis, faut nettoyer par terre. Le manger. Ça, tu l'as mal. Guillaume, j'ai envie d'aller récupérer la boîte, je te jure. Tout le monde a vomi en l'ouvrant. Je voudrais voir. Ramène-la. Ah, mais vous savez quoi? Hey, j'ai pris une photo de cette putain de boîte de conserve. Mais j'ai pris juste avant de l'emmener là. Ouais. De la donner votre plat de la mort, on dirait un film catastrophe sur une épidémie. La petite. Non mais les gars, je vous jure, on est d'accord. Je n'imaginais pas que sur Terre. Il y a une odeur comme ça. On non mais vraiment. Franchement, on aurait tous chié dans le studio, ça sentirait meilleur. Non mais pour de vrai. Non mais pour de vrai. C'est les pires toilettes publiques du monde. Douche, là. Ouais, non mais il faut aérer, non? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Jordan l'apprenti qui court. Ah mais il a un vieux déo tout pourri là, ça suffira pas. Ah ouais, non mais si carrément. C'est maison là, maison par terre. Ah mais si non mais t'as raison. Partout du monde. Non mais attends, non, je reste gérer. Il va le faire, Jordan. Là, tu sais pas le faire, toi. C'est pas le faire. Ça pue par terre chez moi. Tu sais pas le faire. Non mais il a raison. Fais-le sur le produit. JM, fais-le par terre là. Ouais, fais-le sur le produit. Non mais il faut aller chercher une éponge. Mais là c'est infecté, mec. Putain. Mais franchement, les gars, on vient de mettre de la mort dans le studio. Non mais vous rendez pas. Franchement, j'aurais préféré qu'on étale de la merde dans le couloir. Ah bah oui. Ça a rangé le parquet, je crois en plus. Non. Ça a attaqué. Mais moi, ça m'a défoncé mes fringues déjà. Je suis deg. Mais il y a des traces de ouf. Mais on le goûte le poisson ou pas alors? Ouais, ok. Mais en. Non mais en fait, JM, c'est toi qui pue aussi. T'en as partout sur la gueule et tout. T'imagines si ça reste 48 heures ce truc, quoi. Là, ton week-end. Quelle merde. Et les gars, il faut savoir que demain, on va se faire démonter. Demain, nos ambulanciers te donner des sprays spéciaux à la menthe pour tuer les odeurs de cadavres. S'il vous plaît. Ah ouais, mais c'est ça qu'il faut en mettre. Non, c'est glauque. Moi, je fais pas ça, ça nous portait. Ah, mais de la menthe, c'est de la menthe. Vivement la vidéo, je vais trop te voir rire, mon beau. Ah là, je crois que t'es si beau quand tu es. Et voir les. Ah non, mais là, je suis plus beau là. Et plus de. Courage, il avait raison, c'est parti en couille. Ah non, mais là, c'est pas que c'est parti en couille, les gars. Moi, je vous avais prévenu que vous avez dit. On devait le manger. Non, mais franchement. On me donne 1 million, je le mange pas. Je te jure. Ah si, pour 1 million, je vomis, je m'en branle. Qu'est-ce qu'il y a, j'essagir? Mais tout sent en fait, tout le truc sent. Ah, mon polo il sent. Il y a un problème aussi, Guillaume. J'ai le sens. C'est l'ascenseur parce que j'ai pris la poubelle avec l'ascenseur. Oh là là, il est condamné l'ascenseur. Et en plus, tu quoi? Ah putain, l'autre en panne et tout. On va se faire tuer. J'espère que ça va pas couler. Attends, et les poubelles où il y a du. Et en plus, je vous explique. J'ai mis Sandra, il a mis un coup de comment ça s'appelle, de pique là, pour de remouette. Et ça fait une grande giclée de liquide, mais sur 2 mètres, sur lui. Après, il a dirigé le jet vers Amina du Sandra. Ah ouais, j'ai fait une tournée. Et Amina, elle a fait. Ah, ça va mieux avec le produit là. Heureusement qu'il est là, Jordan l'apprenti. Ah, ça va mieux. Ouais. Ah, je suis mort, j'adore. C'est quoi cette émission de ouf ce soir? Je vous kiffe. Salut Kevin, ah, merci. Ouais. Et ce qui est horrible, c'est que, en fait, on l'a fait au niveau de, pour vous expliquer, de Julien Stagiaire qui est face à moi. Ouais. Et en fait, il a une clim dans l'eau, donc ça a tout poussé l'odeur vers moi. Ah bah là. Mais quelques secondes après. C'est confiné là. Et qui a vraiment vomi au sens propre? Moi, vomir. Moi j'ai vomi. Non, mais attends, faut dire la vérité. Julien Stagiaire, pour le vrai. Ah ouais, j'ai vomi. Mais la bile ou t'as vraiment vomi? Non, de la bile, j'ai mangé avant. J'ai mangé des raviolis, un yaourt. Et t'as pas vomi vraiment dur? Non, c'est du liquide. La bile, un peu de crachat aussi, vraiment. Bah moi j'ai forcément vomi mon tagine, j'en suis dégoûté. C'est vrai? Franchement ouais, j'ai vomi 3 fois. À chaque fois j'essayais de revenir et j'étais obligé de revenir. Enfin bref. Ah là là. On démarre. Par pitié, poste ça sur YouTube, par pitié. Salut. Ah non, demain. Évidemment. Demain, c'est en ligne. Ah mais évidemment. On vous le met, c'est exceptionnel. Non mais les gars, J'ai jamais autant rigolé. Il y en a qui dit mais c'est pareil pour moi les gars. C'était le fou rire. J'ai vu tout partir et après j'ai senti dehors. Moi j'étais condamné à rester. T'as rien eu donc. J'ai eu un. Non mais attends, tu peux pas rester là et supporter le truc. Si, franchement j'ai eu un. Ouais. Ça sent le. Je sais pas. Franchement, il faudrait qu'on le refasse un jour. Non mais c'est Fear Factor. Moi j'achèterais des masques à gaz. Faut le faire avec un invité ça. Non, faut le faire dehors. Tu lui dis pas. Ah ouais, il va se faire. Tu connais le pâté naf. Tu connais le pâté machin et tout le truc. Tu dis bon, il est un peu périmé, mais mais je te jure, moi je peux faire comme ça, il y a des petits verres. À une grosse recette, tu fais ça. À quoi? À une grosse star, tu fais ça. Ah, tu fais ça aussi à un mariage, c'était dégoûté. Le plus beau jour de ta vie, tu imagines. Franchement, tu fais ça et tu fais une douche comme ça, quoi. Parce que t'as pris un peu une douche, chez Zana, il a pris une faciale. Même tes lunettes, elles sont mortes. Je vais aller à la douche, à Véridique. Ah ouais. Je vais aller dans les cheveux, c'était. Ah ouais. C'est pour ça que ça a pu. Et d'ailleurs, Jordan Apprenti, si tu pourras en mettre des coups, là. Un peu de déo, t'en rachèteras un déo demain. Et du parfum, même dans l'ascenseur, jusqu'à dehors. On a quoi? On a pourri la rue. Mais la rue, ça sent encore. Ouais, oui. Non, ça sent dans la rue. Le mec de sécu en bas, il a halluciné. Il m'attendait vomir. Mais qu'est-ce que tu fais? Je te jure. Il me dit c'est quoi ça? Après, il m'a dit mais ça pue et tout. Je te jure, c'est un truc. Ah, le pauvre. C'est pour ça qu'il est magique, les gars. Vous m'avez tué. J'en peux plus. Vous êtes excellentissime. Ah bah, merci les gars. Meilleur ami de l'année. Votre plat de la mort, on dirait un film catastrophe. Ah, non, mais c'est clair. Hein. Sur internet, c'est écrit que l'odeur reste plusieurs jours. Vous êtes dans la merde. Salut Caroline. Ouais, il paraît, ouais. Salut Baptiste du 6 de Saint-Jude. On vient de... Pardon. Vas-y, sors, j'ai déjà que j'ai envie de vomir là. Ah ouais. Il est reparti, je vais te dire. Non, il y a des poignées, Ah, non, c'est des trucs incendies, ça faut pas tirer. Ça ressort. Ah oui. Il va nous mettre l'alarme incendie en plus. Alors là, il va être. Il y a le mec de sécu qui est arrivé pour nous aider à ouvrir parce que c'est trop là. Ah, il est là. Bah, si, c'est un état d'urgence là, c'est trop. Attends. Il ouvre partout. Ah, c'est vrai, il arrive. Oh là là. Putain, il est pas content. Ah, c'est vrai. Tu m'étonnes. Ah ouais, ouais. Tu vas-y, rentre. Ça va Sacha? Salut! Ah là c'est horrible! Ah, il est parti! Brûler des allumettes! Ah le souffle de l'allumette efface les odeurs! Merci les gars! Ce qu'il faut c'est du citron, il n'y a rien de mieux pour enlever les odeurs! Non mais je crois que c'est vrai! Il faut... non, là vous vous rendez pas compte! C'est un truc qui n'arrivait pas sur Terre et je comprends pourquoi! C'est dur hein! Ah c'est hardcore! Ah là, il y a le réalisateur de la nuit qui arrive, il s'appelle Baba Kawasaki! Ah bah il va être choqué! Il a pas envie de vomir! Ah ouais! Tu sens l'odeur? Grave! Ah c'est horrible! Ah c'est dégueulasse! Non mais c'est. Non mais on peut pas se rendre compte, les copains, tant qu'on n'a pas senti cette odeur! Ah bah franchement, c'est la mort! Et là il arrive et encore c'est terminé par rapport à tout à l'heure! Avant! Mais ça sentait, mais je sais pas quoi! Mais j'adore quand ça pue! À l'ascenseur ça pue! Ah ouais putain merde! C'est trop énorme! Lavez-vous et décapez en courage! Alors attends, il y a James Sandra qui m'écrit en direct! Je dois me doucher à l'eau froide car ça déclenche l'alarme incendie. Attends, ah merde. Parce qu'il y a Faudé qui vomit derrière moi, il me donne envie de gerber, faut que j'y aille là. Aïe, c'est pas vrai. Ah, j'entends vomir, ouais. Ah bah c'est normal, ça a pu. il fait du bruit. C'est horrible. Va-t'en, je reste avec Jean Stagiaire. Tous les deux. Il s'est passé quoi exactement? Malheureusement, je viens seulement d'arriver. Il y a tout le monde qui part en courant et tout. Les gars, c'est pas une blague. Il y a même le réalisateur qui est parti. Et tout. Ah, t'as vu? Tout le monde pleure, tout le monde vomit. T'as c'est la fin du monde. C'est la fin. Non. C'est pas possible. En plus, il y a du parfum mélangé au déodorant. Ah, j'en peux plus, putain. J'ai bien fait d'être routier pour vous écouter. Ah, ça, c'est vraiment le meilleur compliment qu'on puisse nous faire. Je t'embrasse. Merci, bonne route. Ok. Même moi, vous m'avez donné envie de vomir, les gars. Vous allez vous faire convoquer par la direction. Ah bah là, faudrait voir un médecin au cas où parce que c'est grave, virulent et on n'est pas à l'abri de l'infection sinon mort de rire. Mais non, je vais faire gaffe avant de bouffer du poisson maintenant. Salut Timothée là. Mais celui-là il est trop putain les gars, on en peut plus avec ma chérie. Ce soir pas de dodo, pas d'amusement coquin. Les Suédois et vos idées loufoques nous ont fait la soirée. Ah bah merci. Putain vivement la vidéo les mecs. Merci à vous, je travaille mes abdos. Salut Nico. Salut Nico. Merci. Ah c'est vraiment gentil. Hein. Ces messages là nous font très plaisir. Non mais c'est horreur. Thomas qui travaille avec nous l'après-midi. C'est tout le monde qui est venu nous aider. C'est une galère. On a ouvert une boîte de conserve de la plus grosse odeur du monde. C'est en classement des pires odeurs de la planète. Thomas, t'as brûlé les allumettes? Ouais, j'ai tout brûlé. Je pense qu'il faut même brûler l'étage, la moquette. Ah non, mais c'est vrai, ouais. C'est horrible. Faut raser l'étage, ouais. C'est horrible. Et ouais, t'es allé dans l'ascenseur et tout, ouais. Ouais, mais l'ascenseur, je pense qu'il faut le condamner demain aussi. Ah, c'est vrai? Ouais. Mais vraiment. C'est foutu. Mais les gens demain, ils vont arriver. Radio, il faudrait le laisser ouvert. Faudrait mettre une pancarte, là. Il n'y a plus qu'un seul ascenseur. Je sais bien, mais il y a une pancarte de Manu, là. Faudrait laisser 10 minutes. Ça va le bloquer. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est une pancarte de Manu en carton. On va classer Q au pire, parce que bon. Vous êtes des fous, genre. Ah ouais, bah cette nuit, il faut qu'il laisse ouvert, hein. Sinon, demain. Ah ouais. Ça peut être un défi entre JM et Polo, celui qui tient le plus longtemps avec du streaming sous le nez. Non, mais là, ouais, mais il y aura un mort un jour. Il y aurait une seconde. Mais il faut aller la chercher, la boîte de conserve. Il faut aller prendre un sac poubelle et faire un nœud la condamner pour la garder. Pour si j'ai besoin d'en faire un truc. Et tu l'avais où? Tu veux qu'on la garde où? Tu la gardes chez toi, mais c'en a. Ah, bah, sous ton oreiller. Quel bonheur. Sous ton oreiller, ouais. Ah non, j'ai mis de la vie. JM Zandar est parti. Il est parti à la douche là. Apparemment, il est obligé de prendre une douche à l'eau froide parce qu'il y a des systèmes d'incendie qui se déclenchent. Mais c'est de la merde. Ils font des douches toutes neuves. La plus grosse radio du monde. Ils sont obligés de prendre à l'eau froide pour pas que ça sonne. Et franchement, c'est de la ils peuvent pas la foutre. C'est n'importe quoi. Ouais, ouais. Les gars, vous êtes trop drôles. J'en ai malheureux. Salut Marius. Tu m'inquiètes à te racler la gorge, Guillaume. Sérieux, consulte. Allez, consultez tous une intoxication. Ce n'est pas à exclure. Surtout sur une conserve bombée, c'est qu'elle est périmée. Faites gaffe, je vous embrasse, Hervé. Mais non, on peut pas. Non, pas du tout. Pas du gaz non plus. C'est pas un truc. Non, c'est juste que c'est les harengs qui sont restés au soleil pendant des mois. Donc en fait, c'est des animaux en décomposition en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Un truc qui a fermenté, c'est quelque chose qui s'est décomposé. En plus, le hareng de base. Le hareng, mais tous les poissons, quand tu laisses pas. Même du saumon, si vous laissez 5 jours dans votre frigo ouvert. C'est terminé. Un sushi horrible. Aussi, ouais. Là, vous rendez pas compte ce que c'est du saumon. Non, mais ça n'a absolument. Même le saumon pourri, à côté, si je me le mettrais limite en parfum. C'est clair. À côté de. Mais franchement, par rapport à ça, on vient de vivre un truc extraordinaire. Salut, si tu veux, je travaille dans une épicerie ouverte la nuit. J'ai de l'encens, si tu veux, j'en ramène. Ah bah oui, avec plaisir. Ah bah viens, ouais. Mais t'as marqué encens, A-N-S-A-N-T. Avec un E. Je doute que ça soit vrai, mais en tout cas, si c'est vrai, avec plaisir. On m'a donné envie de vomir, bande de fourbe, oh my god. Flo, des cadeaux. Attends, viens là, t'es en quoi? T'es allé revomir là? Tout à l'heure, ouais, juste avant la musique. Non, mais pourquoi? Bah, parce qu'il y a l'odeur qui est là, qui plane et c'est affreux. Non, mais là, ça y est, c'est parti un peu. Ouais, mais j'en ai sur les doigts et tout. Mais sans chance. Bah, va te laver les mains. Ouais, mais j'ai été deux fois déjà. Bah, avec du savon. Bah oui, avec du savon. Et bah, ce que tu fais, tu mets du déodorant et tu mets du parfum sur les mains. Ouais, mais en fait, ça marche. Le déo par-dessus l'odeur dégueulasse. Pas grave, ça masque. Non, il y a un truc qui est pas mal à faire. Moi, quand j'ai les mains qui puent fort, il faut aller mettre un. Non, mais c'est vrai, quand tu touches un truc, genre un fruit de mer, ou tu vois, quand tu sors d'un resto de fruits de mer et t'es avec une meuf et tout, tu veux pas que tes mains sentent la crevette, tu mets du savon liquide, là, tu sais, le savon hydro, machin, là. Ah oui. Bah, il y en a un peu partout sur les bureaux. Vous faites 3-4 puches, ça va largement vous enlever l'odeur. Ça peut être un défi. Ouais, bah, franchement, c'est inhumain. Non. Même pas mais ton ennemi. Franchement, je crois que cette image de JM du Sandal qui chic. Attends. Sur ses lunettes, il y en avait. Il était par terre. J'en ai marre. Oui, bro. Hey. Attends, qu'est-ce qu'il y a, Jordan l'apprenti, là? Je suis parti chercher JM du Standard, mais il est parti prendre la douche. Bah, je sais, ouais. Mais le problème, c'est qu'il peut pas se laver avec de l'eau chaude. Je sais, bah, ils auraient pu. Ils abusent, là. Parce que sinon, ça active la. Mais ça sert à quoi de faire des douches si on peut pas les utiliser? Expliquez-moi. Ça active la buée et il y a une. Comment ça s'appelle? C'est le truc. Oui, mais un détecteur, mais qu'est-ce qu'ils vont en foutre en là-bas déjà et pourquoi ils en mettent un? Ça n'a aucun sens. Voilà, du coup, ils se lavent à l'eau froide. Ah, super. Bon, en tout cas, attends, je disais un truc là. Ouais, JM du Standard, en fait, il a pris la boîte de conserve et il a pas de bol. Il se l'est pris, c'est son jour en plus. Il prend l'ouvre-boîte, il met un coup et vraiment, je l'apprends. Mais les gars, une faciale de rogo, quoi. Ah, mais ouais. Mais vraiment, d'un coup, mais une giclée de 2 mètres. Le mec, il a pris une douche. Et j'ai vu, il m'a regardé. Il s'est dit, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? C'est, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Et là, il a un réflexe. Il prend la boîte, il la tourne vers Amina. Non, mais il est vraiment bête, ce mec. J'en ai marre. Il voulait pas en avoir. Il a partagé. Ouais, bah, merci. Mais les gars, je vous jurais, je paierais cher, putain, pour revoir cette scène. Ce soir, c'est le best-of de Guillaume Radio 2.0. De 22h à 1h, sur Énergie. Baby, I like your style. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, Cause if you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Guillaume Radio 2.0.0. Les meilleurs moments. De 22h à 1h. Sur Énergie. Allez, sur Énergie, on s'est refait les meilleurs moments ce soir sur Énergie suite au concert. On ne savait pas à quelle heure c'est terminé. Du coup, on avait été obligé de faire un best-of. Je vous laisse avec Mickaël qui, lui, est en direct dans 30 secondes. Et alors, juste pour dire, allez les bleus demain. Bah, demain soir. Début ouais. Contre la Roumanie. Donc, on va suivre le match. On va suivre allez les bleus. Et rendez-vous de toute façon dimanche. On est tous les soirs, tous les dimanches en direct. Hein. 20h à minuit dimanche. Et la semaine de 22h à 1h. Bon week-end, je stagiaire. Merci à toi aussi, Guillaume. Bon week-end, salut, bon match. Bon week-end Amina du standard. Bon week-end, bisous. Bon week-end, fou des cadeaux. Bon week-end. Bon week-end tout le monde. Bon début de l'Euro à vous. Je vous laisse avec Mickaël et on se retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram. Venez liker la page tout le monde. Guillaume Play, P-L-E-Y. Merci les gars d'être là. Bon courage, faisait des examens. Le jour de l'Euro, c'est un peu la merde. Ah ouais. Mais on pense très fort à vous. Gros bisous les mecs, vraiment. Merci d'être là, de faire des soirées de ouf. Ces moments comme on a vécu sur Streaming, les meilleurs moments de nos vies, les gars. Gros bisous. Et à dimanche, 20h sur Énergie. Ciao. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Les grandes vacances arrivent. Le soleil, la plage, les voyages. Certains font des régimes pour être beaux sur les plages. D'autres commencent à faire du sport. Mais c'est trop tard. On se demande où partir. Avec qui? Comment? On n'a pas d'argent. On va faire comment? Les vacances arrivent, on va pouvoir se reposer. Ne rien faire, manger, dormir. Les vacances arrivent. Les cours sont terminés. Les examens bientôt oubliés. On va pouvoir profiter de la vie. Les vacances arrivent. Se lever tard, ne pas travailler, ne pas se coucher. Top va pouvoir montrer son corps d'athlète. Les vacances arrivent, quel bonheur. Mais en attendant... Toutes les nuits de 1h à 4h, Mickaël est sur Énergie, en live. Et sur Facebook, Twitter et Instagram, M-I-K-L, officiel. Allez, c'est parti, on est en direct sur Énergie, passez une bonne nuit. On a arrêté la cassette de Guillaume, hein, parce que les absents ont toujours tort, je le rappelle. On est là en direct à 1h05 du matin avec Justin Timberlake qui va arriver, David Guetta, il y aura aussi Franz que je vous mettrai tout à l'heure. C'est toujours un plaisir de débuter cette émission avec la sale gueule de Toff qui est sur ma gauche. Il est dégueulasse. Merci, merci. Il est particulièrement dégueulasse. Oui, parce qu'il a un t-shirt avec fausse capuche. Oui, que j'ai mis exprès pour vous faire plaisir. Oh, mais qu'est-ce qu'il est. Parce que je sais que vous l'aimez beaucoup, alors du coup, je me suis dit. Mais, ça non, je sais pas ça si faisait longtemps que je l'avais pas vu, ah, puis ouais, je l'ai vu. Bah, ça nous a pas manqué. Je hein. vais juste. En fait, faut le voir allongé, Toff. Tout à l'heure, il était allongé sur le canapé parce que j'ai dormi, Toff, un peu à. Ah, on s'est reposé, mais chacun de son côté. Parce que les gens vont commencer à vous faire des amalgames. Dans le canapé ensemble. Oh, jamais de la vie. Non, je voulais m'enlacer, mais il n'a pas voulu. Je préfère me mourir plutôt que dormir avec cette merde. Et allongé, il lui va bien. Ouais, bah ouais. Allongé, alors seulement le problème, c'est qu'il est plus souvent debout quand même. Ouais, c'est dommage. Mais non, sinon, bon. Je peux faire l'émission allongée à la romaine, tu vois, ouais, sur mon. Ouais, ouais. Et du raisin. Bah, voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore vu, on va vous remettre une petite photo. Ça fait longtemps. Ah, bah oui. Petite photo de son espèce de t-shirt avec un espèce de col qui peut lui passer au-dessus de la tête, tellement il est grand. Enfin, non, avec le casque-là, je peux pas. Résultat des courses, qu'est-ce qu'il va se passer? Hop, tac, voilà, tu vois. Il va vers. Grâce à ça, il va réussir à pêcher encore des meufs. Ah mais comme ça, il est mieux quand on voit pas sa gueule. Ouais. Parce que du coup, on imagine plein de choses. Attends, je vais voir si je peux faire l'émission comme ça. Ouais, essaye. Voilà. Là, ah ouais, là on est pas mal. Hein. Franchement, ouais, il a mis sa voilà. capuche jusqu'au-dessus de la tête. On voit que ses cheveux. Ouais, le casque par-dessus. Franchement, je trouve que ça va là. Voilà. Là, je suis parfait. Mieux, je suis au top. Ouais, là, je trouve aussi. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Il y a Polo qui est là également. Je suis là. Polo qui, évidemment, comme tous les soirs, va encore nous expliquer, va passer son temps et que je passe mon temps. Je passe mon temps à voyager dans le monde car je vais dans tous les continents afin de rencontrer des femmes et essayer de comprendre cet être magique, oui. Et important dans de l'existence qu'est la femme. Et je n'ai qu'une chose à dire, et vous le savez, si vous voulez réussir dans la vie, les péchos, mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente, même si elles pensent le contraire. Évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Oh là là, et Toff qui est évidemment un de tes premiers fans. Disciple. Bah évidemment, disciple, évidemment. Bien sûr. C'est un de mes j'applique tout ce qu'il dit. Et Valentine, la standardiste la plus molle de la bande FM, qui est avec nous, 01 40 71 5000, ça va bien? Bah ça va bien, en mode mollesse. Ah bah comme d'habitude. Bah voilà. Bah voilà, très bien. Bon, donc du coup, si vous voulez l'appeler, n'hésitez pas. Alors n'hésitez pas si jamais vous entendez que ça sonne dans le vent et que personne décroche. Rappelez, parce que parfois, oui, bon, ça sonne. Et puis voilà, elle tombe dans les pommes. Elle s'endort devant le standard. Elle s'endort devant le standard. Donc n'hésitez pas à rappeler plusieurs fois d'affilée si jamais vous pensez qu'il y a un problème. Hein. Donc 01 40 71 5000. Si vous êtes en Belgique, vous faites le 02 703 0071. Il y a Edouard sur le Twitter qui dit salut à Tim, ça fait longtemps. Ça révise l'histoire des arts en écoutant. Eh ben, ça va être beau, tiens. Toff Kelsus Beat, c'est Dams du 43. Merci, Dams. Il y a Victo aussi qui dit comme tous les soirs, je vous retrouve avec grand plaisir. Salut à toi, Victo. Anto Lastico sur le Twitter aussi. Salut les filles. Du coup, on pourra retenir que en ce jour, Guillaume aura rendu à l'heure. Merci, l'euro. C'est magique, l'euro. Eh oui, vive l'euro, effectivement. Merci, David Guetta. Timothée aussi d'énergie, d'énergie, non, mais il s'appelle Timothée Énergie sur le Twitter, qui dit c'est parti avec Mickaël jusqu'à 4h. Oui, et Benko du 42. Bonsoir, l'équipe de la Naït. Des insultes, du rire sans arrêt. Dommage que Toff gâche tout. On l'emmerde, on l'encule à sec. Oui, non, mais enfin, en même temps, merci, il faut merci. Quand même savoir que grâce à lui, on a quand même beaucoup d'insultes. Hein. Avant-hier, je rappelle que nous avons appelé notre ami. L'enculeur en brochette. On peut l'appeler le boucher qui a quand même dit Toff, enfin, évidemment. Je pèse en brochette. Voilà, et surtout. Voilà, et la meilleure. Je vais te tuer, toi, ta famille, ta mère, ton père, ta soeur, ta grand-mère, ta petite soeur. Non, pas ta petite soeur. Ta grande-soeur. Voilà, ça nous a fait notre soirée avant-hier. Il y avait ça aussi, tiens. Ouais, où celui-là? Ah non, merde. Tu vas mourir. Voilà. Voilà, bon, bref. Donc, on l'a eu hier également avec Dame. On va peut-être pas l'appeler ce soir parce que. Non, pas tous les soirs. Faut le laisser se reposer, on voudrait pas le griller non plus. Il y a Mario qui est avec nous également en Paris. Salut Mario. Salut, ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu as une grosse moustache? Tu roules dans une petite voiture? Est-ce que ton frère s'appelle Luigi? Non, pas du tout. Vous n'êtes pas plombier. Je voulais te demander des conseils parce que je veux passer à un autre niveau et j'y arrive pas. Il voudrait sauver la princesse. Bon, dis-moi Mario, t'as passé une bonne journée? Ouais, grave, franchement grave. Bon, bah tant mieux, écoute, tant mieux. Et vous, ça va? Bon, oui, bah c'est gentil de poser la question. C'est rare qu'on pose la question, mais tout le monde s'en fout. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est scandaleux. Et Toff qui a son Ramadan J+4. Ouais, c'est dur. Tu tiens. Mec, il en reste 26 derrière, hein, plus ou moins. Ouais, non, mais c'est. Mais après. C'est ce que je disais à Toff, je crois que le plus dur arrive. Puisque c'est le week-end, parce que là, il y a la radio, il y a. Tu vois, alors que le week-end, bah, il est livré à lui-même. Ouais, je sais pas, on verra. Mais c'est pas un tougher, Toff. Faut arrêter. Il vit. C'est un. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Non, je pense que là, le week-end, je vais passer le week-end à dormir. Donc, du coup, je m'en rendrai pas compte, quoi. Ouais, je sais pas. Faut voir. Ouais, si, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais me lever hyper tard. Comme ça, du coup, la journée va être assez courte. Et puis. Tu fais comme au Maroc. Tu changes l'heure. T'as qu'à vivre à l'heure d'hiver. Je vais me mettre à l'heure marocaine. Mais tu sais que ça m'a choqué. Non, il faut savoir que les Marocains sont quand même des gros escrocs pour le coup, quand même. Hein. C'est-à-dire que les mecs au Maroc font le Ramadan, évidemment. Et donc, pour que ce soit moins dur, ont décidé depuis lundi de repasser à l'heure d'hiver. Mais jusqu'à la fin. Et à la fin du Ramadan, ils repasseront à l'heure d'été. Mais ce qui est scandaleux, parce que c'est ouf quand même. Je me tue à dire aux gens, tout ce que soit, c'est pas que juste les musulmans ou les chrétiens, ça reste un truc privé, c'est une religion, tu vois, c'est un truc que tu pratiques. C'est pas un truc que tout le monde doit savoir. Oui, tu c'est pas un jeu, quoi. Ouais, c'est un jeu, voilà. Bon, on recule. Bon, les gars, on va se faire à l'heure d'Islande. Voilà, et puis demain, les gars, bon, allez-y, mangez. Ouais, voilà. Entre 2h et 3h, qui va le savoir? Personne verra. Hein. C'est un truc de ouf. Mais non, c'est un ouf. Si je me mets à l'heure de New York, je... Non, mais à l'heure de Taras, tu restes là. T'es bon, tu vas te mettre à l'heure de Maryse. Voilà, Maryse, la mère de toi. Elle sait que tu fais le Ramadan? Oh, bah, il va bien falloir que je lui dise de toute façon. Donc, parce que c'est la fête des pères, je rappelle, ce week-end. Hein. Ah oui, en Belgique, c'est la fête des. Donc, du coup, tu vas à Bruxelles ce week-end? Bah, du coup, ouais, faut que j'aille. Je peux pas. Tu vas pas manger le gâteau ni rien? Je sais pas comment je vais faire. Tu lui dis que t'as un aft? Ouais, je sais pas. Merde. Je sais pas. Génial. Film, putain, avec le drone. Putain, nous on veut voir. Avec le drone, quel est l'intérêt? Parce que tu verras à la maison, tu verras. D'accord, sans je veux voir ce qui va se passer avec Maryse quand tu vas dire que c'est un Ramadan. Ouais, bah, écoute, on en reparlera lundi. Il faut savoir que Maryse n'est pas catholique, ni musulmane, ni rien. Non, il faut savoir que la religion à la maison, c'est un tabou. Hein, voilà, je veux dire par là qu'elle n'est pas catholique. Et du coup, c'est ça. Elle est rien. Elle est athée, quoi. C'est une vraie athée convaincue. Elle n'a qu'une seule religion, c'est Maryse. Voilà. Elle ne croit qu'en sa propre religion, dis donc. Elle ne croit qu'en elle, et déjà, voilà. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. Bon, du coup, on va récupérer Mario dans un instant, puisque ça a coupé dans le standard. On va le rappeler, hein, y a pas de problème. Et puis, du coup, je vous ai promis David Guetta, on vous le mettra tout à l'heure. Il y aura France, et puis on va démarrer avec le son de Charlie Black, maintenant sur Energy. Passez une bonne nuit, 1h12. Charlie! My girl, come flip it like a flippagram, flip it like a flippagram. Make your bumper flip like a flippagram, flip it like a flippagram, flip it like a flippagram. You're deaf, y'all wind up on my body, girl. Why like it's a carnival? Girl, me love the way you wind for me. Girl, your wine is so emotional. So wind up on my body, girl. Me while you come wind your waistline for me. Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling, baby. Girl, you a party animal. Girl, you active, no, you no lazy. Girl, you a party animal. To own your wine, you child be crazy. Girl, you a party animal. You wine so good, you just so good. Girl, me love how you party. One shot, two shot, three shot, four. After 9 minutes, she come back for more. She take off the shoes and pound the dance floor. Then she start to go out like a sore. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me a score. She sexy, she beautiful and she pure. Tell her you me a door, so fine up on my body. No worry about your friends, they're with my friends. After the club, I party. like a flipper gram, flip it like a flipper gram, right this moment. Wine up on my body, girl. Wine just like a carnival. Girl, me love the way you wine for me. Girl, wine is so emotional. So wine up on my body, girl. Me while you combine your waistline for me. Yeah, yeah. Baby, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling. Tout le monde, je rappelle que dans moins d'un quart d'heure, on fera les appels mal intentionnés, on aura le canular aussi ce soir. Et puis surtout, dans moins d'un quart d'heure, on va tirer au sort pour savoir qui va repartir avec la PS4 et le jeu Overwatch. Il vous reste un quart d'heure pour venir vous inscrire sur le Facebook de l'émission. Un quart d'heure pour simplement aller laisser un commentaire sur la photo où je pose avec la PS4, hein, tout simplement. Si vous voulez la gagner, et ben vous venez nous rejoindre, vous tapez M-I-K-L officiel sur Facebook. Le temps est une unité de mesure qui s'applique aux gens normaux. Dans un enchaînement de folie, de délire et d'aventure. Plus rien ne les arrête. Mickaël et toute la team sont sur énergie de 1h à 4h. Bon, et je viens de mettre la photo de du magnifique pull, t-shirt. Qu'est-ce qu'il est beau. Ou serpillère, vous appelez ça comme vous voulez, de Toff. Donc si vous voulez aller voir, c'est magnifique. Non, c'est le plus beau t-shirt que tu n'as jamais vu. Je vous l'ai mis sur Facebook, Twitter et sur Instagram. C'est quand même assez particulier. Mais qui c'est qui t'a offert ce t-shirt, un ennemi? Non, pas du tout. Je l'ai acheté moi-même, quand même. Ah, volontairement alors. Volontairement, oui, oui, je l'ai acheté. Donc t'es rentré dans la boutique, t'as regardé, tu t'es dit tiens, je vais. Non. Et t'as vu celui-là, tu te dis waouh. Non, je l'ai vu à l'extérieur de la boutique, ce qui m'a fait rentrer dans la boutique pour l'acheter. C'est pas possible. C'est pas vrai. Parce que moi, je vois un pull comme ça, je rentre, mais par curiosité, pour me dire mais c'est pas possible. Non, moi je l'achète et j'achète tout le stock et je brûle tout. Ah oui. Non mais attends, il y a un moment donné, il faut arrêter. Non, t'es sérieux, c'est un choix. Ouais, c'est un choix délibéré. Je l'ai kiffé, je l'ai acheté. Ah ouais. Oh mais ah ouais. Pourquoi pas. Non mais après tu fais comme tu veux, hein, c'est pas un problème. Donc allez le voir, le magnifique pull sur Facebook, Twitter, sur Instagram, vous tapez M-I-K-L officiel. Bon, il y a Franz qui arrive dans un instant, David Guetta, je vous dis aussi Justin Timberlake. Il y aura aussi Kungs. Et puis Raïs Refi avec la chanson de Dame. Il y a Alexandre aussi qui dit question à Polo, pourquoi est-ce que Toff est aussi laid? Alors là, comment tu veux que Polo y réponde? Mais il est pas laid! Il a un fin physique facile! Non, il est pas laid! On dirait qu'il y a eu un problème dans l'assemblement de son visage! Mais il est pas en laid! En fait, t'as l'impression que c'est une voiture qui est assemblée dans une usine, mais malheureusement, il y a eu un problème dans la chaîne. Mais voilà, cette personne n'est pas laide! Il y a plus laid que lui, mais il y a un problème, je sais pas si ça vient d'où. Bon, bah écoute, on va chercher, on peut pas répondre à ta question, Alexandre. Oui, c'est vrai qu'on peut s'habituer. Il y a Sullivan qui dit moche comme sa tête, frérot. Bah là, on voit pas sa tête pour le coup, hein. C'est une des plus belles photos de Toff d'ailleurs. Voilà, je suis magnifique sur cette photo. Et puis Xavier qui dit salut Mickaël, il y a toute la team, content de vous retrouver au top. Bah, merci Xav. Tout à l'heure, donc PS4 tirage au sort sur le Facebook de l'émission. Dans moins d'un quart d'heure, si vous voulez venir nous rejoindre, vous tapez M-I-K-L officiel. Et on fera aussi donc un canular ce soir vers 2h du mat. En attendant, il y a Mario qui est avec nous de retour à Paris. Mario, qui nous appelle pourquoi au fait? Non, je vous ai appelé parce qu'il y a un mois à peu près, je vous ai appelé pour vous demander des conseils pour tricher en cours et tout. Ah oui, je me souviens. Mais c'est bon, je suis viré. Ah bah voilà, à mon avis. Hein? non, et finalement, j'avais bien révisé, c'était pas trop dur. Et aujourd'hui, j'avais aussi un examen en santé, là, PSE. En santé? Et, final, c'est quoi un examen en santé? Mais non, on sait pas, on connaît pas. C'est quoi le PSE? C'est comme SVT, voilà. Non mais d'accord. Explique, tout le monde ne sait pas ce que c'est SVT. C'est science de la vie. Science et de la terre. Voilà, mais dis-le, explique. Non, je pense.